إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم مرة أخرى مع كتاب شرح العقيدة الواسطية، وهو كتاب شيخ الإسلام يشرحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. فمرحبا بكم شيخ الشيخ سوخ. On continue toujours avec notre livre شرح العقيدة الواسطية. Je crois, Inch'Allah ta'ala, si je n'ai pas oublié, on s'est arrêté lorsqu'on parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le mu'allif a dit ici, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huwa abduhu, abduhu, ou bien c'est son esclave, abduhu, wa rasuluhu. Abduhu, on avait dit que les gens ici, ils se divisent en deux extrémistes, son serviteur. Ils se divisent ici en deux extrémistes. Il y en a en deux extrêmes. Ce sont deux extrémistes. Ou bien, ceux qui disent de lui, il y en a ceux qui lui donnent pas sa valeur. Sa valeur. Il y en a, il croit que c'est une personne normale, comme nous. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit à certains gens qui, lorsque ces gens-là voulait l'appeler de la maison, il criait de dehors. Ya Muhammad, Ya Muhammad. Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran pour leur dire qu'il ne fallait pas dire cela. Qu'il fallait pas dire cela. Qu'il fallait être éduqué avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoi? Parce que, certes, c'est une personne comme nous, mais quand même, elle a yani, une menzila, elle a un degré, elle a un rang, inshallah subhanahu wa ta'ala, que pas n'importe qui peut l'avoir. Car en fin de compte, c'est aussi un prophète. C'est aussi un prophète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit avoir envers lui beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre au-dessus son rang. Au-dessus son rang. C'est pour ça que je disais que quand certains venaient des fois, ils voulaient l'appeler, ils l'appelaient du dehors. Alors il y a une personne prénom comme ça. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ensuite un peu plus loin il a dit إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Ceux qui t'appellent comme ça derrière ta maison comme ça يعني avec يا محمد, la plupart d'eux n'ont pas يعني de cerveau, لا يعقلون, n'ont pas يعني le niveau yani, requis. Car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit pas Ya Muhammad, on l'appelle pas, on dit Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah. Voilà comment on l'appelle sallallahu alayhi wa sallam. Et en revanche, il y a d'autres, comme j'ai dit, qui veulent l'élever plus de son rang, plus. Comme j'ai dit une fois, certains même disent qu'il a été créé de lumière. De lumière. Et nous, on a montré que c'est faux. Il a été créé de son père, de l'accouplement de son père et de sa mère, Abdullah et Amina, et qui n'a pas été créé de lumière. Et on a dit qu'il y a un hadith sahih où le prophète alayhi sallam a dit Allah Azza wa Jal a créé les anges de lumière et a créé les djinns, les diables de feu, et nous a créé de ce qu'il vous a montré dans le Coran. Comme c'est écrit dans le Coran, sorte le mu'minun wa وغيرها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين Il a akhir l'aya. Il est montré comment la personne a dit a été créée. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans un hadith sahih, il a dit la tutruni. La tutruni kama atrat al-Nasara ibn Maryam. C'est un hadith sahih, d'ailleurs il est dans le Bukhari ou Muslim. Il a dit la tutruni. Yani, ne m'élevez pas au-dessus de mon rang, plus que je ne mérite, comme a fait, comme on fait, Al-Nasara, comme on fait les chrétiens avec qui? Avec le fils de Maryam, c'est-à-dire Isa alayhi salam. Qu'est-ce qu'ils ont dit au lieu de dire c'est un prophète? Ils ont dit c'est le fils d'Allah Azza wa Jal. Et d'autres ont dit ce n'est pas le fils seulement, c'est lui Allah Azza wa Jal. Ma'adallah. Le prophète alayhi salam nous a dit attention, nous a prévenu. La tutrouni, ne faites pas comme on fait les chrétiens. Laissez-moi toujours dans mon rang naturel. Ensuite il a dit wa rasuluhu. Abdullahi wa rasuluhu. J'atteste que c'est son serviteur d'un côté et c'est son prophète. Et que, bien sûr, je dois attester en même temps que c'est son dernier prophète. Que c'est son dernier prophète. Car quiconque atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, mais n'est pas le dernier, peut-être qu'il y a un autre qui viendra, ou bien deux ou dix autres, celui-là est un kafir. Quiconque atteste que il se peut qu'il y ait un autre prophète après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là c'est un mécréant. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens en notre temps, maintenant où je vous parle, aux Amériques, aux enfin, les pays, à des pays noirs, etc., où on dit qu'il y a des prophètes. Naam. Certaines personnes pensent que de certains d'autres, que ce sont des prophètes. Ensuite, le prophète Sheikh Ibn Uthaymeen a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est élevé à un rang que personne n'a eu, que personne n'a eu de toutes les personnes. Il a dit même des anges, même il a dit Fiman Alam, je crois que même les anges ne sont pas arrivés au rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit seulement je crois excepté parmi les anges, il a dit excepté Hamalat al-Arsh, excepté ceux qui prennent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit excepté ceux-là. Il a dit wasala ila ma fawq as-sama' as-sab'a. Il est arrivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au dessus du septième ciel, du septième ciel. Wa wada'a wa wasala ila mawdi'in sami'a fihi tasrif al-aqlam. Il est arrivé, il a dit, jusqu'à un endroit où il a pu entendre les anges lorsqu'ils écrivent les destins des hommes, des créatures, de toutes les créatures, pas seulement des hommes. Allah Azza wa Jalla, quand il veut quelque chose, une volonté universelle, il dit aux anges, demain faites ceci, demain cela, car ce sont eux qui font, bien sûr. Ce sont eux qui, certains font tomber la pluie, l'autre font bouger le soleil, l'autre le vent, etc. Donc quand il leur dit quelque chose, ils la notent. Quand ils commencent à écrire, ils font un bruit avec leur plume, un certain bruit quand ils commencent à écrire. Ce bruit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tellement proche des anges qu'il a entendu le bruit de leur plume quand ils écrivaient les anges. La hawla wa la quwwata illa billah al-'alim. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih, dans Bukhari ou Muslim. Il a dit, il parlait de l'ascension, de son ascension, pas très connu. Un hadith assez long, à sa fin il a dit Tumma urrijabi. Ensuite, on m'a fait monter Hatta wasaltu li mustawan, jusqu'à ce que je sois arrivé à un niveau Asma'u fihi sarif al-aqlam, jusqu'à ce que je sois arrivé à un niveau où j'ai entendu les plumes des anges qui écrivaient. Donc ça c'est bien sûr, ce n'est pas une chose que Allah Azza wa Jal donne non seulement pas à personne, mais pas tous les prophètes. Ce n'est pas tous les prophètes qui ont cette faveur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala sans intermédiaire. Comme ça, directement. Comme ça, il a entendu Allah subhanahu wa ta'ala parler sans intermédiaire. Sans qu'il y ait Jibril alayhi salam entre eux. Et Allah l'a envoyé à toutes les créatures. Il a dit le khalq, pas seulement aux personnes, mais aussi aux djinns, et hatta aux créatures, comme hatta aux animaux, etc. Comment il a été envoyé aux animaux? il va parler aux animaux pour qu'ils rentrent en islam. Les animaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec des choses qui sont en leur faveur. Il est interdit de frapper l'animal quand il fait rien. Il est interdit de ne pas lui donner à manger. Il est interdit de l'emprisonner dans une maison jusqu'à ce qu'il meure. Il est interdit de il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih dans le Bukhari où il est cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé une fois, il est arrivé devant un jardin, il a voulu faire ses besoins ou bien uriner. Il a voulu aller aux toilettes. Bien sûr, il n'y avait pas de toilettes. Il a demandé au propriétaire du jardin de le laisser entrer. Il est rentré. Et quand il a terminé, il a vu devant lui un chameau. Ensuite, il a remarqué que le chameau avait des larmes qui coulaient de ses yeux. Ensuite, le chameau s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a parlé dans son oreille. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le propriétaire du chameau. Il lui a dit, crains Allah. Ce chameau vient de me dire que tu fais monter sur lui des choses lourdes et que tu lui donnes pas à manger. Tu lui donnes pas assez à manger. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Regardez les animaux qui sentent comment sont nous, qui se plaignent, etc. Faut pas dire celui-là c'est un animal. C'est un animal, je m'en fous. C'est un animal, mais il a été créé dans un but. Il a un but, cet animal ici, il doit le faire. Ensuite, il a dit, وَأَيَّدَهُ بِالْآيَاتِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ بَشَرٍ أَوْ رُسُولِ قَبْلَهِ. Il a dit ensuite, Allah Azza wa Jal a donné à ce prophète des signes qu'il n'a donné à aucun avant lui. Des signes, acte comme ça, immense, grand, ayat, mu'jizat, qu'il n'a donné à jamais quelqu'un avant lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit, وَهَذَا هُوَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Et voilà l'un des plus grands signes, si ce n'est le plus grand signe, c'est quoi? C'est le Coran, Coran l'Azim, qui ne finit pas, qui n'en finit pas, qui ne finira jamais, qui restera jusqu'au jour où, comme vous savez, il y a un hadith sahih où il est dit que il viendra un jour où Allah Azza wa Jal prendra son Coran. Son Coran, c'est quoi? C'est pas le livre. Ce qu'il y a à l'intérieur, l'écriture a dit, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on lit, nahnu, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, il la prendra. Donc, viendra un jour, on demande à Allah Azza wa Jal qu'on ne soit pas ce jour-là. Pourquoi? Ce jour-là, ça veut dire, là, c'est la fin du monde, ça veut dire Allah Azza wa Jal est en colère, même son Coran, il ne va pas le laisser. Ça veut dire, ce jour-là, la personne va se lever le matin, elle va ouvrir le livre pour lire quelque chose, il n'y a rien. Subhanallah, l'adim, toutes les feuilles sont blanches. Elle va à la librairie acheter, toutes les feuilles sont blanches. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ce Coran, qui est un immense, un grand signe d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme mu'jiza, il n'a donné à personne avant lui. C'est pour ça que l'Azul a dit dans le Coran en parlant des kuffars, وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ. Les kuffars comme ça, ils n'ont rien à dire. Ils ont dit pourquoi l'Azul n'a pas fait descendre des signes comme ça pour qu'on sache que c'est vraiment un prophète. Elle répond, قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. خلي les questions etc. خليهم بعدين إن شاء الله تعالى parce que ça me déconcentre. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Je voulais ce que je dis. نعم إلى ذي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Dis leur, les versets ou les signes, c'est pas moi qui les descend. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les descend. Moi je vais pas dire à Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre les signes. C'est lui qui les descend. Ensuite il a dit أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى. Ça ne leur suffit pas qu'on ait descendu sur toi le Coran. Voilà, donc ça veut dire que le Coran, c'est l'un des plus grands signes, si ce n'est pas le plus grand. Tout à l'heure, quand j'ai dit Allah subhanahu wa ta'ala a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Naam lui a parlé comme je vous parle, vous et moi. Comme je vous parle comme ça et vous m'entendez, il a entendu Allah subhanahu wa ta'ala lui parler. Et pourquoi? C'est étonnant, alors que le shaitan lui-même a entendu Allah subhanahu wa ta'ala parler. Et Jibril a entendu Allah parlait plusieurs fois. Mais je n'ai pas dit qu'il l'a vu, attention, j'ai dit seulement qu'il l'a entendu parler comme vous m'entendez moi. Car le shaitan a aussi entendu Allah, et Jibril a entendu, et beaucoup d'anges ont entendu Allah subhanahu wa ta'ala parler. Et Moussa alayhi salam lui parlait aussi. Al-Hasil, anna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah wa khatim nabiyin. Donc, conclusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète, Rasulullah, wa khatim nabiyin. Et il n'y aura aucun prophète après lui. Le prophète alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, après moi, il a dit, il y aura 20 ou 27, à peu près 27, yani faux prophètes. Faux prophètes, il en a cité deux ou trois femmes. Il a dit parmi eux, deux ou trois femmes. J'ai oublié le nombre exact, mais c'est entre 2, 3 et 4 à peu près. C'est entre 2, 3 et 4. L'une de celles-là a déjà vu le jour au temps de Mousseïlim el-Kaddab. Mousseïlim el-Kaddab, il a dit, je suis un prophète. L'Ansi a dit, je suis un prophète. Obeid ibn Mukhtar a dit, je suis un prophète. Il y en a déjà trois ou quatre qui ont déjà vu le jour. Maintenant, dernièrement, les dernières années, il y en a aussi, bien sûr. Il y en a le plus connu qui s'appelle Ahmed Mirza, quelque chose comme ça. Celui-là, il est très connu, il a beaucoup d'adeptes jusqu'à nos jours. Celui que Allah Azza wa Jal a fait mourir dans les toilettes. Celui que Allah Azza wa Jal a fait mourir dans les toilettes pour lui prouver ce n'était pas un prophète, car un prophète meurt, quand il meurt, on l'enterre dans l'endroit où il est mort. Alors celui-là, on doit l'enterrer dans les toilettes, si c'était un prophète, donc on doit l'enterrer dans les toilettes. Et si on l'enterre dans les toilettes, bien sûr, ce n'est pas un prophète. Il était impossible qu'un prophète meure dans les toilettes. En moyenne, Mousseïlim el-Kaddab, on s'entend lorsqu'il a dit « je suis prophète » et que Abu Bakr Siddiq l'a tué après, c'est quand il a envoyé Khalid ibn al-Walid, il l'a tué, alhamdoulilah, celui-là, Mousseïlim el-Kaddab, en son temps aussi, lorsqu'il s'est dit « je suis prophète », il y a une femme qui a dit « je suis prophète ». Elle s'appelait Soujah. Elle a eu beaucoup d'adeptes. Alors Mousseïlim, qui est très intelligent, il a dit « puisque moi je suis prophète », et elle, celle-là, elle se dit aussi « elle est prophète », maintenant elle va me prendre beaucoup de gens, hein, les spectateurs, j'aurai pas beaucoup de spectateurs. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est marié avec elle. Il s'est marié avec Soujah. Donc, ce faux prophète s'est marié avec une fausse prophète. Et ce faux prophète, Mousseïlim el-Kaddab, est mort kafir. Plus, Allah Azza wa Jal lui a attaché un adjectif ou un épithète qui s'enlève jamais de lui. Jamais on dit Mousseïlim. Toujours on dit Mousseïlim el-Kaddab. Il n'y a personne qui va vous dire s'appeler Mousseïlim. Toujours Mousseïlim el-Kaddab, le menteur. Mousseïlim el-Kaddab. Le menteur. Pourquoi exactement? Parce qu'il s'est appelé quoi? Il s'est appelé Mousseïlim al-Rahman. Al-Rahman. Et personne, je vous ai dit déjà une fois, n'a le droit de s'appeler Rahman. Le nom d'Allah. Alors Allah Azza wa Jalla lui a dit, tu veux t'appeler Rahman comme moi? Je vais te mettre un épithète qui va rester, même mort, les gens vont t'appeler avec. C'est quoi? Mousseïlim al-Kaddab. Mousseïlim le menteur. Ensuite, quand il est mort, sa femme Soujah, Walhamdulillah est rentré une autre fois dans l'islam. Ou bien est rentrée pour la première fois. Je ne sais pas si elle était auparavant musulmane. Elle est rentrée en islam et elle est morte musulmane. Walhamdulillah, Allah Azza wa Jalla l'a guidée. Allah, pas comme son mari le khabith. Ensuite, il a dit, wa sallallahu, enfin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Taslim al-Mazida. Il parle maintenant de sallallahu alayhi. Quand on dit Allahumma salli ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire on a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire sur lui une prière. De faire une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et il a dit ici, la salat de Allah subhanahu wa ta'ala sur son prophète, c'est quoi? C'est sana'uhu alayhi fil mala'il a'la. C'est Allah Azza wa Jalla ne va pas faire la salat comme on l'a fait nous, il va faire le wudu, etc. Astaghfirullah. Seulement, Allah Azza wa Jalla va citer son prophète sallallahu alayhi wa sallam devant les anges. Il va vanter ses mérites, il va vanter ses vertus. Il va parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire c'est un kada kada, il va le vanter. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla a fait sur lui une salat. C'est pour ça que, toi quand tu de, tu dis Allahumma salli ala Muhammad, ça veut dire que tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse sur lui, yani qu'il vante ses mérites et ses vertus comme ça, devant qui? Devant les anges. Et c'est quelque chose de très haut, bien sûr. Il a dit, certains ont dit, ici Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, certains ont dit, la salat, la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa rahma. Ça veut dire qu'il va être miséricordieux envers lui. Ensuite, il a montré que ceci n'est pas vrai. Car beaucoup de ulama disent, c'est quoi la salat d'Allah sur son prophète? C'est la rahma. Ça veut dire qu'il va lui donner une grande rahma yawm al-qiyama. Mais ça, ce n'est pas vrai. Et pourquoi, comment on sait que ce n'est pas vrai? Regardez Allah Azza wa Jalla dans Jean, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم. Il a dit أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Il y a fait saut, on vient de me dire qu'il n'y a pas de saut. Il y a fait saut. On l'a fait saut. Non. Je demande à quiconque, yani, il a des doutes, il se dit peut-être qu'il n'y a pas de sang, de ne pas commencer par moi, de me dire qu'il n'y a pas de sang. On commence par demander à ceux qui n'ont pas les points rouges. On leur dit, moi j'entends pas, est-ce que vous vous entendez? Je disais que, non, l'azul, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma. Ceux-là auront une prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, salawatum min rabbihim, wa rahma. Donc, il a dit salat et il a dit rahma. Et en arabe, on dit l'atf yaqtadi taghayur, mughayara. En arabe, même en français, quand on dit par exemple Ali est venu et Omar, est-ce qu'Ali c'est Omar? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a dit et. Ali et Omar. J'ai mangé les pommes et les pêches. Les pommes et les pêches. J'ai dit et les pêches, donc les pommes ce ne sont pas les pêches. Ici la même chose, il a dit Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma. Donc salat c'est quelque chose, et rahma c'est autre chose. La salat ne peut pas être la rahma. Voilà la preuve du verset qui montre que la salat ce n'est pas la rahma et la rahma ce n'est pas la salat. Ensuite il a dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi. Il a dit wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alihi, c'est qui Alihi? Quand le mot Al, c'est comme ça, je vais l'écrire ici, Al en arabe, je vais l'écrire ici pour ceux qui ont l'arabe. Sinon, je vais chercher avec l'alif qui a une barre avec le stylet. Bon, ça va prendre du temps. Khalil Amnou, vous avez compris, Alihi, on dit Al al-Bayt, Al al-Bayt. Ici, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Alihi. Qui c'est Alihi? Il y a une règle. Si kalimat Al, Al, si هذه كلمه ال elle vient seule, par exemple on dit اللهم صل على ali, voilà, si on dit اللهم صل على ali Muhammad, si elle vient seule, si cette expression vient seule ou bien vient avec les compagnons على alihi wa sahbihi, dans ce cas ce sont qui ال? Ce sont ceux qui l'ont suivi dans la religion, c'est-à-dire par exemple nous aussi on rentre dans le ال ال هذا, on rentre dans le ال. Donc je redis, si elle, si kilmet elle, vient tout seul, par exemple, Allahumma salli ala ali Muhammad, ou bien vient avec les compagnons, Allahumma salli ala ali Muhammad wa sahbih, ça veut dire le elle ici, on explique quoi? C'est tous ceux qui l'ont suivi dans le din. Mais si le mot elle vient avec le mot atba'uhu, atba'uhu, Allahumma salli ala ali Muhammad wa atba'ihi, et non pas ashabihi, atba'ihi, ça veut dire qui elle ici? Ça veut dire seulement Al al-Bayt, ceux de sa famille, ses plus proches, Al al-Bayt, ses enfants, ses femmes, etc. Donc ici, quand il a, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa ala alihi wa sahbihi. Donc ici, Al c'est qui? C'est tous les musulmans qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Car le mot Al ici a été attaché avec sahbihi. Ensuite, il a dit, wa sahbihi. Sahbihi, c'est qui? C'est les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ce sont les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. les compagnons, leur amour, quand on les aime, c'est ça, ça veut dire qu'on a la vraie croyance. Si on les déteste, si on les insulte, ça veut dire qu'on n'est pas, on n'a pas de la, bon, si on les insulte, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas la vraie croyance. Mais si on dit ce sont des koufars, ça veut dire là qu'on est carrément mécréant et kafir. Ça veut dire qu'on est carrément mécréant ou bien kafir. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, min sibba ashabi, quiconque insulte mes compagnons, fa'alihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in. Il aura les maudissements ou la machaf, la'nat, fa'alihi la'natullah. C'est Allah Azza wa Jalla qui va le maudire et les anges ou nasi ajma'in et tous les gens, quiconque insulte l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla va le maudire et tous les anges vont le maudire et toutes les personnes vont le maudire. Il aura la malédiction d'Allah, des anges et de toutes les personnes. Ça c'est un hadith qui est sahih, qui se trouve bien sûr dans Silsila Sahih de Sheikh Al-Albani, numéro 2340. Quiconque insulte l'un de mes compagnons, ou bien mes compagnons, il a la malédiction d'Allah, des anges et de tous les gens. Et il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, la tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. Ahoulaou la quwwata illa billah. Comme s'il savait qu'il y allait y avoir les chiites qui allaient l'insulter. La ahoulaou la quwwata illa billah la ilaha illallah. Comme si là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il savait qu'il va y avoir une secte de Khoubata qui vont insulter les compagnons radiallahu ta'ala. C'est pour ça qu'il a dit ce hadith, il a dit aussi celui-là, le deuxième hadith, je vais vous le dire maintenant, il a dit « La tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. Tawalladhi nafsi biyadi, je jure par celui qui tient mon âme, c'est-à-dire par Allah. Law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban. Si quelqu'un de vous, yani fait l'aumône ou la dépense là dans nos pauvres, etc., comme une montagne d'or, comme la montagne d'Uhud, toute la montagne en or, il la donne en la cause d'Allah, mabalagha mudda ahadim wa lansfi. Ça ne sera jamais égal à ce que donne un sahabi, radiallahu ta'ala, nous, comme ça, une poignée. Lorsqu'un sahabi, radiallahu ta'ala, donne une poignée ou une demi-poignée, il prend comme ça une main, d'une main, il prend un peu de blé, il le donne. Et toi, tu vas donner une montagne d'or, lui, il aura plus de ajr que toi. Naam. Voilà le sahabi qu'on insulte. Voilà. Pourquoi? Parce que les sahaba, ce sont les médiateurs entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous. S'il n'y avait pas les sahaba, jamais on aurait, ce din ne nous serait arrivé. Ils se sont sacrifiés, ils sont morts, morts de faim. Ils ont été à la guerre sainte, ils sont restés. Ils ont eu le calvaire. Pourquoi? Pour que nous arrive cette religion, nous arrive les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous arrive le Coran, etc. Donc, ceux qui insultent les sahaba, ou ceux qui disent ce sont des kuffars, comme les rawafid, alim la'natullah, donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent rompre entre toi et qui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent couper le lien. Maintenant, il n'y a plus de sahaba, tous ce sont des kuffars, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il n'y a pas de hadith. Même le Coran, il y a des doutes. C'est comme ça que disent les rawafid. Ils disent le Coran qu'on a entre les mains, c'est des doutes, c'est pas le vrai. Le vrai, il est chez quelqu'un qui s'appelle Mahdi. Il a le vrai Coran de Fatima. Il est en Irak, dans un sous-sol. Un jour, il va sortir avec ce livre. Il est là-bas caché. Ce Coran que vous lisez, c'est pas le vrai. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Donc, quiconque croit qu'il est mieux que les sahaba, ou alors, il dit, ce sont des kuffars, celui-là, c'est le plus grand kafir. Il n'y a pas plus grand kafir que lui. C'est pour ça que tout ce qu'ont fait les sahaba, tout ce qu'ont fait, même s'ils ont fait des fautes, même si quelques-uns ont bu de l'alcool, même si quelques-uns ont fait n'importe quoi, tout ce qu'ils ont fait, comparé à la mer, je dis bien la mer, comparé à la mer des bonnes actions qu'ils ont, regardez une mer, l'océan Atlantique. L'océan Atlantique, une mer de bonnes actions et de bonnes œuvres. Qu'est-ce que ça va faire à une bouteille de vin ou de je ne sais pas quoi à l'intérieur d'une mer? Si quelqu'un prend par exemple, pardonnez-moi du mot, il prend des excréments, il va les mettre dans un journal, il va en pleine mer, en pleine Méditerranée ou l'océan Pacifique, en plein mer, il va le jeter. Est-ce que ces excréments vont souiller l'océan Atlantique ou la Pacifique? Ils vont souiller? Impossible. Pourquoi? Parce que ce n'est rien comparé à la grande mer, la pure, la pure. C'est pour ça que les Sahaba, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils feront, ils iront directement au paradis, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala. C'est pour ça que tout ce qu'ils ont fait, même la guerre, ils ont fait la guerre entre eux, ils l'ont fait sous ta'wil. Ta'wil, et quel genre de ta'wil? Ta'wil sa'ir. Ta'wil, ça veut dire, quand tu fais toi la guerre avec quelqu'un, tu te dis, c'est moi qui ai raison, c'est celui-là, c'est l'autre qui s'est trompé, c'est moi qui veux que l'islam triomphe. Tu l'as fait en ce sens, tu l'as fait avec un ta'wil. Et toi, tu veux faire la guerre pour tuer les gens. Non, tu veux la faire. C'est comme ça que Ali radiallahu ta'ala et Mu'awiyah, etc., c'est comme ça qu'ils ont fait cette guerre qui s'est passée entre eux et que le shaytan a fait, bien sûr. Maintenant, on dit nous, comme a dit Hassan al-Basri radiallahu ta'ala, nous, il a dit, dans ce sens, il a dit, ça c'est une guerre, quand il parle de la guerre qui s'est passée entre Ali et Mu'awiyah radiallahu ta'ala, il dit c'est une guerre que Allah Azza wa Jal a purifié nos mains d'elle, de cette guerre. Allah Azza wa Jal, alhamdoulilah, a purifié nos mains. Nous, on n'a pas assisté à cette guerre, on n'a tué personne. Alors, purifions nos langues d'elle. L'Azul t'a aidé à purifier ta main. Tu n'as tué quelqu'un, tu n'étais pas ce jour-là. Alhamdoulilah, purifie ta langue et ne parle de que les choses que l'Azul aime et que le prophète aime. Quand tu parles des compagnons, d'ailleurs, je vous donne un signe. Si jamais vous entendez quelqu'un parler sur un compagnon qui a fait une faute, c'est pas qu'il n'a pas fait de faute, qui a fait une faute, et essayer de faire descendre de son rang et dire celui-là il a fait ceci, celui-là ceci, celui-là sachez que c'est un khabith. Celui-là c'est un khabith, c'est un maudit. Celui-là non seulement ce n'est pas un salafi, donc c'est un khabith. Pourquoi? Car personne n'a le droit de parler sur les sahaba. Quand tu parles pour montrer l'histoire par exemple, pour montrer ce qui s'est passé. Et ce n'est pas pour dire que celui-là est fautif, celui-là a raison, celui-là va en enfer. Celui-là au paradis, celui-là c'est un maudit, jamais qu'on prend les chiites. Les chiites, comme ça qu'ils font. Dès que tu le parles de Mu'awiyah, khalas, Mu'awiyah c'est le shaitan, c'est le kada. Nous on dit Mu'awiyah c'est le khalifa, c'est le cinquième khalife, c'est mon oncle. Sa soeur, c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mu'awiyah c'est mon oncle. Et je l'aime plus que mon oncle le vrai. Le vrai est mon oncle. Le frère de ma mère, Mu'awiyah je l'aime beaucoup plus que le vrai. Naam. Parce que sa sœur, c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça, prenez ce petit signe. Quand vous parlez avec des gens, si quelqu'un commence à parler des sahaba, ils ne vantent pas leur mérite, il va dire ceci et cela, ils ont fait. Khalas, dis-lui salam alaykoum, tu te lèves et ne t'assois pas avec lui. Celui-là, c'est un égaré. Celui-là, il parle sur les sahaba, que le prophète alayhi wa sallam a dit, quiconque se bombe les insultes, il a la malédiction d'Allah. Des anges et de tous les gens. La malédiction d'Allah suffit. C'est pas la peine celle des anges et des autres gens. Quand Allah Azza wa Jalla maudit quelqu'un, ça veut dire qu'il l'a éloigné de lui, éloigné de son paradis. Wala'iyadu billah. Donc, c'est à peu près ce que vous devez savoir sur les sahaba. Ensuite, une question très simple. Comment savoir, nous, par exemple, qui est le sahabi qui n'est pas le sahabi? Comment savoir qui est le sahabi qui n'est pas le sahabi? Comment savoir? Le sahabi, les ulama disent, c'est celui من اجتمع اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. Quiconque c'est comment on dit اجتمع c'est réuni. Quiconque s'est réuni avec le prophète صلى الله عليه وسلم croyant et il est mort ainsi. Quiconque s'est réuni avec le prophète صلى الله عليه وسلم croyant, yani quand il s'est réuni avec lui, il était croyant, il n'était pas mécréant. Ensuite, il est mort croyant. Quiconque a ce que je viens de dire maintenant, a les adjectifs, les et peut-être que je viens de dire, c'est un compagnon. J'explique un peu. On a dit quiconque, ijtama'a, s'est réuni avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on n'a pas dit quiconque a vu le prophète? Si on va dire quiconque a vu le prophète, ça veut dire qu'on va faire sortir beaucoup de sahaba, on va dire ce ne sont pas des sahaba. Pourquoi? Parce qu'il y avait des sahaba qui étaient aveugles. Alors, que va-t-on faire de Abdullah ibn Ummi Maktoum? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il est dans le Coran. Il est déjà Ahul Ama. on va dire, c'est pas un sahabi. Vous avez dit, sahabi, celui qui voit le prophète. Celui-là, il l'a pas vu. Donc on dit, se réunir avec lui. Quand il se réunit avec lui, il s'assoit avec lui, soit qu'il ait vu, lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou soit qu'il n'ait pas vu. Yani, quand il se réunit avec lui, même s'il est aveugle, sans faire rien, c'est un compagnon. Et la même chose pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux te réunir avec lui, mais il ne te voit pas. Vous êtes nombreux, vous êtes 100, vous êtes 2000. Il vous voit tous. Il voit le groupe. Donc toi, tu es un sahabi. Pourquoi? Tu t'es réuni avec lui. Ensuite, on a dit, on a posé une autre condition. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, mu'minan. Mu'minan. Ça veut dire, si quelqu'un se réunit avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas croyant, c'est pas un sahabi. Abu Jahl, ne s'est-il pas réuni avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des centaines de fois? Des centaines de fois, ils se sont rencontrés, s'assis avec lui, lui parler. Est-ce qu'Abu Jahl, Abu Lahab, Bakrikad sont des sahabas? Non, ce sont des kuffars. Pourquoi? Ils se sont réunis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en état de kuffre, pas en état d'islam ni musulman. Ensuite, on a dit, quiconque se réunit avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, croyant. Maintenant, et si quelqu'un se réunit avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort? J'habitais loin, j'habitais à 200 km du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis jamais allé le voir. J'ai cru en lui, alhamdoulilah, je suis un quoi? Je suis un musulman. Mais suis-je un sahabi? Je ne le suis pas. Pourquoi? Je n'ai jamais été, je ne me suis jamais réuni avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'habite à 200 km loin. Maintenant, je dis, je vais aller le voir. Le jour où j'arrive, je le trouve mort, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vois quoi? Je vois son corps ici devant moi, dans le cercueil, mort. Est-ce que je suis un sahabi? Je ne suis pas un sahabi. Pourquoi? Pour être sahabi, tu dois rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivant, pas mort. Quand tu dois rencontrer vivant, et toi aussi, comme je viens de dire, croyant. Maintenant, si quelqu'un rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, est-ce qu'on doit dire de lui c'est un sahabi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Isa ibn Maryam lorsqu'il est monté dans les cieux. Et il a rencontré beaucoup de prophètes dans les sept cieux. Et il a fait la prière avec tous les prophètes en Palestine avant de monter, etc. Est-ce que ceux-là, ce sont des sahabas? Ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on a dit nous? Il faut qu'ils le rencontrent ici dans cette vie. Pas mort et pas dans l'au-delà. Voilà ce, à peu près ce qui est le sahabi. Il faut que vous ayez une idée qui fait le sahabi. Parce que beaucoup ne savent pas. Ils croient que quiconque a vécu en son époque est de celui-là, c'est un sahabi. Ensuite, il a dit, wa sallama alayhi taslima. Wa sallama alayhi taslima. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner de lui, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les maux, l'afet, tous les problèmes, etc. Ou l'afet, les problèmes, etc., peuvent être quoi? Peuvent être, par exemple, dans le corps, et peuvent être, par exemple, les malheurs qui arrivent comme ça, fitan, etc. Ensuite, il a dit, wa ash, afwan, nam, mazida, il a dit, amma bad, fahada atiqadu, al-firqati al-najiyya. Ensuite, il a dit, voilà, il commence ici, le livre, il va commencer vraiment, il a dit, voilà, il va dire, on va parler maintenant, c'est Ibn Taymiyyah qui dit, on va parler maintenant de la doctrine et le dogme de qui? De Al-Firqa al-Najiyya. Il a dit Atiqad, pourquoi il a dit Atiqad? Parce que c'est quelque chose qu'on noue dans le cœur. Quelque chose que tu as dans le cœur, tu noues, soit tu n'enlèves plus. Est-ce que, par exemple, quelqu'un de nous, quand il a noué qu'il va rencontrer Allah, un jour ça va se dénouer de son cœur, sauf s'il devient mécréant. Est-ce que ça va se dénouer de ton cœur qu'il y a, tu vas rentrer dans la tombe et qu'il y a trois ou quatre questions qu'on va te poser dans la tombe? C'est quelque chose que tu noues dans ton cœur qui ne doit plus se dénouer. Maintenant, inshallah ta'ala, aujourd'hui, inshallah, on a noué, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, que les sahaba, radiallahu ta'ala anhum, on doit les aimer beaucoup. On doit non seulement ne pas parler sur eux, mais ne pas permettre aussi à quelqu'un qui parle sur eux, et de se lever quand il parle. On lui dit, tais-toi, si on ne peut pas, on a peur de lui, il va nous prendre en prison, je ne sais pas si c'est celui-là. Je me lève, je me lève et je vais m'asseoir 10 mètres plus loin de lui. Montrer que tu aimes en Allah et tu es en Allah. Beaucoup de gens ont la foi, mais n'aiment pas en Allah et ne haïssent pas en Allah, Cela, leur croyance est faible. Pourquoi? Tu dois aimer Allah subhanahu wa ta'ala. son prophète et ses compagnons plus que tous les gens. Si tu aimes quelqu'un plus que le prophète, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, ta croyance est faible. Ta croyance est faible. C'est pour ça qu'il y a un hadith qui dit que le prophète alayhi wa sallam a dit, personne de vous ne sera un vrai croyant jusqu'à ce qu'il m'aime plus que ses parents, ses enfants et tous les gens. Naam. Si tu aimes quelqu'un plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne dis pas que tu es kafir, mais ta croyance est faible. Ta croyance est faible. Tu dois aimer le prophète, je ne parle pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que qui? Plus que tout le monde, même le père, même la mère, même les enfants, plus que tout le monde, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les sahaba, il faut les aimer, il ne faut pas permettre à quelqu'un de les insulter devant toi, Alors qu'en est-il des pauvres et des masakines et des ignorants qui nous disent quoi, qui nous poussent, ils nous disent pourquoi vous ne faites pas le djihad avec Nasrallah, pourquoi vous n'allez pas en Libye faire le djihad? Je fais le djihad avec qui? Avec l'ennemi d'Allah ou bien avec son allié? Pour moi, celui-là, Nasrallah, pour moi, c'est l'ennemi d'Allah, c'est l'un des plus grands ennemis d'Allah, ennemi du prophète et l'un des plus grands alliés du shaitan. L'ami intime du shaitan, c'est lui. Celui-là qui dit que Aïcha a fait la zina et qui dit que Abu Bakr et Omar, ce sont des khoubata, des kuffars, celui-là, je vais faire le djihad avec lui et Allah Azza wa Jal va me faire triompher. Jamais il ne va me faire triompher. Si je fais le djihad avec lui, Allah Azza wa Jal sera en colère de moi jusqu'à ce que je le rencontre et il me jette en jahannam, mon enfer. Il me dit, je vais t'apprendre comment tu es devenu l'allié des shayatins. Moi, je t'ai demandé d'être l'allié de mon prophète et de ses compagnons, d'aimer ses compagnons, de les mettre dans un rang, grand rang, et respecter. Et toi, tu es allé faire le djihad avec quelqu'un qui dit d'eux, ce sont des kuffars, et qui dit de la femme du prophète, elle a fait la zina. Celui-là, il va me dire, la zéolou, je vais te jeter en enfer aujourd'hui. Alors, qu'il sache cela, que la zéolou ne donnera jamais la victoire, ne fera jamais triompher quelqu'un comme celui-là. Jamais au grand jamais. Cela, ce sont des, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Sahih al-Bukhari muslim. Écoutez ce hadith pour les gens qui ne savent pas. Faites apprendre aux gens le din. Dites-leur les hadiths qui ne savent pas et que les chiites cachent. Dites-leur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Sahih, dans ce sens, bien sûr, il est dans Sahih al-Bukhari muslim, il a dit que il va arriver un temps, vous allez voir quoi? Du'at ala abwabi jahannam. Vous allez voir les du'ats qui font les da'wah, mais les da'wah pour vous jeter en enfer. Du'at ala abwabi jahannam. Al qawbun, il les a décrits, yahtadouna bi ghayri hadi, wa yastanouna bi ghayri sunnati. Des gens qui ne marchent pas sur ma voie, ne marchent pas avec ma sunna. Du'at ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilayya qadafou. Quiconque va les suivre, ils vont les jeter dans Jahannam. Ensuite, il a dit, en ce sens, ajsamuhum, ajsamu ins, wa qulubuhum qulub shayatin. Il a dit, leurs corps, ce sont des corps d'êtres humains. Mais leur cœur à l'intérieur, ce sont des cœurs de shaytan. Ce sont des cœurs de shaytan. Naam. Il a dit, ta'rifoun wa tunkirun. Il a dit, lorsque vous les verrez, ta'rifoun, vous connaîtrez des choses, mais vous nierez des choses. Vous dites, non, ça c'est pas vrai. Vous connaîtrez quand vous voyez Nasrallah, vous dites, subhanallah, il a la lahya, il a la sunna celui-là, il dit Allahu Akbar, il dit ça. Ensuite, ton kiron. Mais lorsque tu vois comment il fait vraiment, et quand il est avec les intimes, ce qu'ils disent dans leur parti et dans leur dogme, etc., celui-là, tu sais qu'il est très, très, très, très loin de l'islam. Et que, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, il a dit, jamais au grand jamais, les kuffars, jamais au grand jamais les kuffars ne sont venus pour coloniser un pays musulman sans que les rawafid, ceux-là les chiites, sans qu'ils soient partis du côté des kuffars contre les musulmans. À chaque fois qu'il y avait un colonisateur qui voulait rentrer au pays de l'islam, c'était les rawafid et les chiites qui l'aidaient. Ils allaient de son côté contre qui? Contre les sunnas. Toujours contre les sunnas. Maintenant, ils dansent en Irak. Ils dansent. avec des foulards, ils attachent des foulards et ils dansent. Pourquoi? Parce que yani, tellement ils ont, tellement farhanin, tellement ça, joyeux, tellement ils sont joyeux, ils se réjouissent d'égorger, d'égorger les sunniens, surtout ceux qui s'appellent Omar. Quiconque s'appelle Omar, on fait comme ça, on cherche avec des lices, etc. On va le faire sortir de sa maison, on l'égorge devant ses parents. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Omar, c'est-à-dire Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Donc ceux-là, celui qui veut faire la guerre avec ceux-là, qu'il aille là-bas pour que s'il meurt, il soit les premiers, il soit le premier à rentrer en enfer. Il soit le premier à rentrer en enfer pour avoir aidé qui? Pour avoir aidé les shayatins. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Il a dit, moi, je fais comme ça, je frappe les injustes avec les injustes. Je frappe les Yahoud, ici les Yahoud et les Rawafid. Les Yahoud injustes, les tueurs des prophètes, et ceux-là, les insulteurs des Sahaba, les Mukaffirines des Sahaba. Donc ceux-là, ils ont fait de grands péchés. Et ceux-là sont des mécréants de grands péchés. Allah Azza wa Jalla, il frappe cela avec cela. C'est-à-dire que nous, les ba'dan, la lina ba'dan, il n'a qu'à nous écrivons. Donc, il a dit, هذا اعتقاد الفرقة الناجية. Il a dit, هذا اعتقاد الفرقة الناجية. Il a dit, voilà, je vais vous donner le dogme de qui? De الفرقة الناجية. C'est quoi الفرقة الناجية? C'est un groupe comme ça, qui va être sauvé. Il va être sauvé ici dans la vie et dans l'au-delà. Ici dans la vie. Ce groupe va être sauvé de ne pas faire du bida. De ne pas faire du bida, alhamdoulilah. Regardez ici du bida comme c'est ici. Bida, les Takfiriyin, les Khawarij, les Hizbiyin, les Rawafid, les Ahbash, et plein de Mubtadia. Ceux-là, ils sont pleins de bida. Ils sont noyés dans les bida. Ceux-là, tous, et la plupart, ce sont tous, ils vont mourir, une mort, et que personne ne la souhaite à quelqu'un. Car la plupart des Moubtadi'a, l'Aziyodul, il veut faire de leur mort ici un signe pour les autres. Un signe pour les autres. Sauf bien sûr qu'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Hadal Khomeini, avant, lorsqu'il est mort, l'Aziyodul a fait de sorte que sa aura a été découverte. La hawla wa la quwwata illa billah. Quand on le prenait sur le cercueil, pour aller l'enterrer. Comment les gens ont dans leur cœur que c'est comme un dieu. C'est comme un dieu, si ce n'est pas plus. Alors ils ont voulu prendre le drap qui le couvrait. Chacun voulait déchirer quelque chose. Enfin, ils ont déchiré jusqu'à ce que sa aura ait été découverte et on l'a photographié comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah. N'est-ce pas un signe que Allah est en colère contre lui? Est-ce que vous avez entendu que Omar ibn Khattab a fait un sa'aura qui est découverte quand il est mort? Allah Azza wa Jal, quelqu'un fait une grande faute, il découvre sa'aura. Lorsque Adam alayhi salam a mangé là, je lui ai dit, ne mange pas, il lui a fait tomber les vêtements qu'il avait. Quiconque fait de grands péchés, il ne mourra pas avant que Allah Azza wa Jal le fasse de lui un signe, comme il a fait de qui? Comme il a fait de Fir'aoun. Il a dit, il takuna liman khalfaka aya. Pour que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Non. Il l'a fait sauver de la mer. Il l'a fait sauver de la noyade. Il l'a laissé se noyer. Beaucoup de gens auraient dit, non, il ne s'est pas noyé, on ne sait pas où il est. C'est un Allah. Lui, c'est un Dieu. Il est quelque part, il va revenir. Mais là, je l'ai fait sortir pour que tout le monde le voit. Il le touche avec la main. Touche. Regarde, il est mort ici. Comme un chien. Un chien mort. Regarde. Touche-le. Car s'il avait été noyé, il y aurait eu beaucoup de choses. Hein. Beaucoup auraient dit que c'est Dieu. Non, voilà, il est là devant vous. Vous pouvez même le pied signer avec vos pieds. C'est rien ça. C'est celui-là, Firaoun. Je disais que. Ensuite, je vous donne un site qui parle spécialement de Khomeini. Quand vous allez rentrer dans ce site, vous allez voir ce qu'il y a, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il livre, etc. Et ce qu'il a écrit, etc. Vous allez vous dire, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma. Jamais on aurait su que le Khomeini était contre. Was-salatu al-qa'imah. Quelqu'un a dit, Muhammadan al-wasilata wal-fadila. Où j'ai lu un livre, Allah j'ai dit, maqaman mahmoudan alladhi wa'adta. L'un c'est plus proche. Ensuite, celui-là, Allah Azza wa Jal, lui a fait le repentir et il est devenu Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Il a écrit un livre, il a appelé Shahada lillah wa lit-tarikh. témoignage pour Allah et pour l'humanité, pour l'histoire. Quand il a écrit, bien sûr, Khomeini la clique lui a envoyé, lui a dit attention, tu imprimes ce livre. Mais il l'a imprimé et bien sûr on l'a assassiné. C'est normal, ça c'est très normal. On l'a assassiné parce qu'il a écrit ce livre. Ce livre, il se vend, vous pouvez l'acheter. Il raconte de ces choses, peut-être vous n'allez pas en croire. Il dit, je me rappelle très bien une fois, j'étais avec le Khomeini, on est parti au Hajj. En revenant ou là en allant, j'ai oublié. On est arrivé dans une ville, on s'est fait inviter par des gens. Tellement les gens sont contents, le Khomeini, notre Dieu. Yani, on nous a invités, ils se bagarraient pour nous inviter. Quand on est rentré dans la maison, on nous a donné à manger, etc. Ensuite, Khomeini a dit à l'autre, tu n'as pas toi une fille? Lui a dit, si, je vais te la ramener. J'ai une fille de 5 ans, je vais te la ramener. Ensuite, il est allé, l'autre très réjoui, alhamdoulilah, Khomeini va... Ma fille va dormir avec Khomeini, alhamdoulilah, une fille de 5 ans. L'autre, il dit ensuite, Khomeini est rentré dans la chambre avec elle. Bien sûr, dans leur doctrine, les rawafid, ils disent qu'une fille de 5 ans, même si on ne fait pas avec elle le rapport, parce qu'elle est petite, mais on peut faire beaucoup de choses avec elle. Ils appellent ça la mufakhada. Mufakhada, ça vient du mot cuisse. Tu touches les cuisses, tu fais beaucoup de choses. Al moyen, tu ne peux pas faire l'acte, c'est tout. L'autre, il a dit, Wallahi, j'ai pas pu dormir la nuit, tellement j'entendais la petite crier toute la nuit. Toute la nuit, elle criait jusqu'au matin. Et le shaitan de Khomeini, en train de la toucher, en train d'essayer de la forcer, en train de faire, la'natullah ala a'da Allah, la'natullah ala a'da Allah. Voilà ce que je dis moi sur Khomeini. Jusqu'au matin. Et le plus grand imbécile, c'est son père. La plus grande bête du monde, le plus grand ignorant du monde, c'est son père, qui croit qu'il a des ajr, il a des hasanettes. Il a des hasanettes quand il a donné sa fille à Khomeini. Il a des hasanettes. Et la petite fille, imagine une fille de 5 ans. Fille de 5 ans, c'est pas seulement, yani on lui enlève ses vêtements. On la laisse seulement avec un homme qu'il ne connaît pas, yani elle va dormir loin de lui, elle ne peut pas. On lui dit seulement, tu restes dans la chambre avec cet homme jusqu'au matin, qu'est-ce qu'elle va faire toute la nuit? Imaginez maintenant, le vieillard de 70 ans là, en train de la forcer et de lui enlever ses vêtements, etc. La'natullah ala al-zalimin, la'natullah ala a'da sunnah. Moi je dis a'da sunnah, la'natullah ala a'da sunnah. Le Khomeini qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi. C'est le Mahdi qui va réussir quand il va venir. Le prophète, comme ça il a dit, le prophète Mohammed n'a pas réussi dans sa da'wah. Ça veut dire il a joué, il a plaisanté, il n'a rien fait. Est parti comme ça. C'est le Mahdi qui va réussir dans la da'wah. Maintenant tu es mort. Prépare-toi, yani, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tombe. Prépare-toi demain quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et prépare-toi demain comment tu auras le courage de regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel courage! D'ailleurs, je ne crois pas. Wallahu alam. Je ne sais pas s'il lui sera permis de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors dis-moi comment qu'il va faire devant Abu Bakr ou Omar, comment qu'il va faire lorsqu'il va voir Abu Bakr ou Omar ou Asman, Allah Azza wa Jalla qui va les élever, plus élevés des Sahaba, comment qu'il va faire quand il va les voir. Je m'arrête 5 minutes, pardon, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je disais que la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a beaucoup de djouhal de notre temps. Beaucoup de djouhal, de musulmans djouhal. Qui ne savent pas, ils ne font pas la différence. Pourquoi? Ils ne connaissent pas la sunna, ce ne sont pas des salafis. Quiconque n'est pas salafi, il te dit, moi, j'aime le Khomeini. Et nos frères les chiites. Mon chiite, c'est un frère. Quelqu'un qui... Toi, si on insultait ton père, on t'insultait, tu voudrais te manger. Il a insulté mon père. Alors, comment tu permets à quelqu'un... Tu l'appelles ton frère, quelqu'un qui insulte Omar ibn Khattab, quelqu'un qui insulte Ali, Afrafoun, Othman ibn Affan, pas Ali, quelqu'un qui insulte Abu Bakr Siddiq, quelqu'un qui dit à ta mère, notre mère Aïcha, elle a fait la zina. Celui-là, c'est mon frère. Celui-là, si il dit c'est mon frère, là, il va me dire, donc toi, tu n'as pas la foi. Ah, tu as dit au shaitan, c'est mon frère. Et là, je lui ai dit dans le Coran, inna shaitan alakum adouan fattakhidou adouan. Shaitan, il a dit, c'est votre ennemi. Prenez le ennemi, ne prenez, ne le prenez pas allié, prenez-le comme ennemi. Ensuite, il a dit ici, Firqa Najiyya. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ici dans un hadith, il a dit quoi? Il a dit que cette nation allait se diviser en 73 sectes. Et que tous allaient en enfer, sauf une secte. Ensuite, alhamdoulilah, il a montré, il a dit quoi? Il a dit, ceux qui vont suivre, ceux qui seront, comme je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Voilà, tu as le signe, tu as la balance, tu as la boussole. Si tu veux savoir que l'aveugle est réjoui de toi ou pas, regarde ce que tu fais et compare-le avec ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc le compagnon, c'est une boussole pour toi, pour voir est-ce que tu es dans le vrai sens ou est-ce que tu es dans le faux. C'est pas comme les chiites qui disent les compagnons, c'est des copains. Toi, tu dis les compagnons, ce sont une boussole pour moi. Je regarde, et c'est avec eux, en les regardant, que je sais si je suis dans le vrai chemin ou je suis dans le faux chemin. Il a dit, Najiyya al-Mansoura ila qiyam sa'a. C'est celle-là, il a dit, qu'il y a une seule secte de ces sectes, ça s'appelle, qui va, Inch'Allah, triompher jusqu'à la fin du monde. Qui va triompher jusqu'à la fin du monde. Et, l'Azouaj dans le Coran, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهُمُ الْغَالِبُونَ. Ceux qui sont dans le vrai chemin, ils triompheront. Car l'Azouaj a fait triompher le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et a fait triompher les compagnons, et quiconque va les suivre, Allah Azza wa Jal va le faire triompher. Il a dit dans le Coran, وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Nos soldats, ce sont eux qui gagneront. Pas les soldats du shaitan, ni de Nasrallah. Mais c'est sur les vrais soldats, ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ceux-là vont triompher. Ensuite, il a dit, je crois que si je termine, je dois m'arrêter ici, c'est mieux. Je m'arrête ici parce que ce qui vient, c'est autre chose, quelque chose de nouveau. أقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Il reste 5 minutes de dors avant les questions-réponses. Alors, on se rencontre inchallah ta'ala dans 10 minutes. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vais vous donner très vite l'adresse du blog là, si vous voulez voir l'emploi du temps, etc. Mais je vois d'abord si elle est là. J'ai une adresse, je vais vous la chercher. Non. Ça, tu m'as défoncé, on a Abdallah. Hein? Tu as l'adresse, moi je l'avais pas, barakallahu fik. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans 10 minutes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fais saut. J'ai fait mon possible pour ne pas arrêter le verset en plein milieu, mais j'ai pas pu. Normalement, c'est Ilyes qui arrête, mais peut-être qu'il n'est pas avec nous, là, je ne sais pas quoi. On commence, Allah Ta'ala, par... D'abord, on m'a demandé de vous annoncer quelque chose ici, je l'annonce. Non. Non, Alexi. J'ai dit que, en ce qui concerne l'adresse que vous avez vue là-bas, avec Ibn Taymiyyah, Jiran, etc. Ça, c'est, Inch'Allah Ta'ala, c'est un lien entre moi et vous. Entre vous et moi. Ça veut dire vous. Quand on a un dars ici, avant de rentrer au dars, vous rentrez là-bas dans la rubrique message. Peut-être que je suis absent. Peut-être que je suis pas là. Peut-être que j'ai des choses. C'est dans les messages, vous trouvez par exemple qu'il n'y a pas de dars aujourd'hui, ou là ça a été reporté, ou là. C'est un lien, Inch'Allah Ta'ala, entre vous et moi. Deuxièmement, ce qui concerne, il y a quelqu'un, on m'a demandé de vous dire ce message. Voilà, c'est écrit comme ça. Le centre socio-culturel de Longjumeau vous invite à la conférence intitulée « Les règles de la prière du voyageur », deuxième partie, par Rachid Abou Luqman, samedi 5 août 2006. Samedi 5 août 2006, après la prière du Asr, à la mosquée de Longjumeau, CSCIL, 31 rue Pasteur. 31 rue Pasteur. Pour ceux qui veulent y aller plus de détails, ils peuvent téléphoner à ce numéro. 01 69 34 63 78. Une salle est réservée aux sœurs. Et nous vous demandons de ne pas ramener d'enfants en bas âge, compte tenu du manque de place. Une salle est réservée aux sœurs, mais nous vous demandons de ne pas ramener d'enfants en bas âge, compte tenu du manque de place. Courant direct sur le paltoc dans le salon, mosquée de Longjumeau, CSCL. Voilà. Deuxièmement, je dois répondre à une sœur ici. Je lui réponds, Inch'Allah Ta'ala. Après un quart d'heure, 20 minutes, je réponds à la sœur qui m'a posé, m'a écrit la sœur Sahia, quelque chose comme ça. Je lui répondrai, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes ou un quart d'heure. Tfadlo, quelle est la première question, Inch'Allah? Qui est la première question, Inch'Allah Ta'ala? On la donne à Abu Ahmed. Abu Ahmed, tafadlo. Lors de l'Isra et le Mi'raj, le prophète alayhi salatu wasalam a prié en tant qu'imam devant tous les autres prophètes. Quelle a la hikma de cette salat à qui il était rapporté quels étaient les prophètes présents? Quelle est la hikma? La hikma, c'est pour prouver que lui, sallallahu alayhi wa sallam, tu sais que toujours quand on avance quelqu'un, c'est toujours lui le meilleur, tu dois savoir. Hein? C'est toujours lui quand on doit avancer. C'est pour ça qu'il a été avancé, pour montrer yani, que c'est lui leur imam. C'est pour ça qu'on dit imam al-mursalin. On dit de lui, c'est imam al-mursalin. C'est lui le meilleur des prophètes, inshallah, et c'est lui leur imam. Ensuite, il a été rapporté que tous les prophètes, il n'y a pas de nombre, tous les prophètes étaient présents. Tous les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, étaient présents ce jour-là. Il a dit, il a fait la prophète, la salat, pardon, avec les prophètes. Je crois que tous les prophètes étaient présents ce jour-là. Je n'oublierai pas de te dire que je t'ai demandé, en ce qui concerne ta question, je t'ai demandé et que, inshallah ta'ala, je crois qu'ils acceptent. Je crois qu'ils acceptent quelqu'un qui est de nationalité française. Reste à savoir, est-ce qu'on demande, est-ce que c'est obligé qu'il doit avoir ici l'Iqama ou là, il ne doit pas avoir. Ils ont dit maintenant, elle est fermée. Quand elle va ouvrir, Inch'Allah Ta'ala, je donnerai de plus amples renseignements. Quoique maintenant, je crois qu'il y a quelque chose qui est resté ouvert comme ça, mais très bientôt, elle va s'ouvrir, Inch'Allah Ta'ala. Naam, est-ce qu'il y a une question pour une sœur? Zanjabila, une personne demande comment concilier qu'Allah et aussi son trône et en même temps mêler aux gens. Naam, très bonne question, barakallahu fik, très bonne question. Allah Azza wa Jalla n'est pas mêlé aux gens. Se trompe celui qui dit que Allah Azza wa Jalla est mêlé aux gens. Celui qui dit que Allah Azza wa Jalla est mêlé aux gens, il doit dire astaghfirullah. Il doit dire astaghfirullah wa atubu ilayh, j'ai dit quelque chose que je ne savais pas. Allah Azza wa Jalla est sur son trône et c'est son savoir qui est avec les gens. C'est pas lui. C'est comme moi, je suis maintenant ici, et c'est mon sang, ma voix, qui est avec vous là-bas. Mais moi, en fin de compte, je suis ici au Koweït, je ne suis pas chez vous. Allah Azza wa Jalla est sur son trône, et c'est son savoir qui est mêlé aux gens. C'est pour ça que certains ulama on ne dit même pas il est avec son savoir avec les gens. On ne dit même pas il est avec son savoir. On dit seulement il est sur son trône et avec son savoir avec les gens. C'est pas il est lui avec son savoir, non, et son savoir est avec les gens. Non, c'est très conciliable car Allah Azza wa Jal, c'est inconciliable pour ceux qui croient que Allah Azza wa Jal, astaghfirullah, il est comme nous. Comment moi, je peux être en même temps au Koweït et en Algérie? Comment je peux être? Pour Allah Azza wa Jal, rien n'entrave ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et j'ai dit une fois que Allah Azza wa Jal pouvait concilier entre deux choses contradictoires. Par exemple, nous, on est ou bien le premier ou bien le dernier. Si tu fais une course, tu es le premier ou tu es le dernier si vous êtes deux seulement. Allah Azza wa Jal, huwa al-awwal, huwa al-akhir. C'est le premier et c'est le dernier. Allah Azza wa Jal, il peut être sur le trône en même temps avec toi ici, avec sa science. Il sait tout ce que tu fais avec les détails. Wallahu alam, électrodine, tfadlal. Est-ce que les salafis ou les wahhabites ont une aqida différente de Al-Sunnah ou Al-Jama'a? Al-Sunnah ou Al-Jama'a, ce sont eux les salafistes ce sont eux les wahhabites, comme on dit. Wahhabites, pourquoi on dit deux wahhabites? Parce qu'il y a quelqu'un, grand alim, qui est venu en Arabie Saoudite pour faire revivifier une autre fois la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'Arabie Saoudite, il y a un temps, elle a été pleine de sorcellerie, pleine de shirk, pleine de kda, est venu une personne qui s'appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab. Celui-là, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui avait beaucoup de science, la science du Coran et de la sunna. Alors, il a quoi? Il a fait la guerre au shirk, à la sorcellerie, etc. et a montré aux gens le vrai din. Alors les gens maintenant, quand ils veulent critiquer quelqu'un, ils disent celui-là c'est un wahhabi. Hein? Dans beaucoup de pays, on dit attention, celui-là c'est un wahhabi. Si quelqu'un dit de toi tu es un wahhabi, dis-lui naam, oui je suis un wahhabi, en ce sens que Allah Azza wa Jalla s'appelle wahhab. Moi je suis un wahhabi, nisbatan ila Allah, naam, moi j'adhère aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis un wahhabi, en ce sens. Et si tu veux dire que je suis un wahhabi de la personne Muhammad ibn Abdul Wahhab, naam, j'aime cette personne. C'est pas parce que c'est lui Mohamed ibn Abdul Wahhab, je le connais pas, il ne me connaît pas. Mais j'aime la chose avec laquelle il est venu. Il est venu avec le Coran et la Sunna. Quiconque vient avec le Coran et la Sunna, je l'aime. Et je lui dis, Barakallahu fik, tu m'as montré. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, le hadith se trouve dans le Bukhari. Le shaitan, vous connaissez qui le shaitan? Lui est venu sous forme de personne, insane, comme ça. Car le shaitan peut venir sous forme d'être humain. Il est venu et lui a appris quoi? Il lui a appris Ayat al-Kursi. Il lui a appris Ayat al-Kursi. Et Abu Huraira ne savait pas. Quand il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Sadaqaka wa wakadoub. Sah. Mais tu sais avec qui tu parlais? Celui qui s'est appris Ayat al-Kursi, c'est un shaitan. Il est venu sous forme humaine. Donc, le shaitan, s'il m'a pris, s'il m'apprend Ayat al-Kursi, je serai content d'Ayat al-Kursi. Le shaitan ne m'intéresse pas. Ayat al-Kursi, je l'apprends car elle est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je suis wahhabi en ce sens. Et salafi, ça veut dire je suis le self. Il y a des gens qui sont venus après, ils ont dit, moi je cherche pas à comprendre le Coran et la Sunna d'après les compagnons du prophète et tabi'in et l'a'imma les grands. Non, je la comprends comme je veux moi. Je dis non, moi j'accepte pas, moi je veux comprendre le Coran et la Sunna comme les self, pas comme moi, pas comme les khalif, ceux qui sont venus après. Je vous donne un exemple très très simple. Ceux qui sont venus après, par exemple, Mohamed Abdou, par exemple, il dit dans le Coran, lorsque il a dit, « Wa arsalna alihim tayran ababil, tarmihim bi hijaratin min sijjil. » C'est très clair que Allah Azza wa Jal a envoyé quoi? A envoyé des grands oiseaux qui frappaient des gens avec des cailloux comme ça petits, mais des cailloux d'enfer. Par exemple, Mohamed Abdou, qu'est-ce qu'il va dire ici? Quand quelqu'un n'est pas salafi, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ça, Allah Azza wa Jal est en train de parler des microbes. Ce sont les microbes dont il veut parler. C'est pas des oiseaux et des cailloux, etc. Tandis, non, on n'accepte pas ça. Ça, c'est un tafsir, c'est une explication qui n'est pas des salafs. Lis tous les livres des salafs, ils ont dit que c'était aussi des oiseaux avec quelque chose dans les becs et dans les pieds, quelque chose de Jahannam. Voilà. Alors, ça, c'est dans un verset simple. Qu'en est-il dans les versets de la Aqidah? Ils disent il n'est pas sur le trône, ils disent il descend pas, il n'a pas de yeux, il n'a pas ça, il n'a pas ça. Ensuite, finalement, si tu meurs, tu te trouves en enfer, ou l'ayyadu billah. C'est pour ça que il faut être salafi, non seulement salafi, mais il faut être deuxièmement fier de l'être, et troisièmement, tu dois remercier Allah Azza wa Jalla jour et nuit. Jour et nuit, à chaque seconde, tu dis Alhamdoulilah qu'il a fait de moi quelqu'un qui suis salaf salah. Mais, là, une petite remarque, tu n'es pas obligé de dire du matin au soir je suis salafi. Tu vas rentrer dans, tu vas te vanter, etc. Moi je suis salafi. Ça, c'est une chose qu'on ne dit pas. C'est une chose qu'on applique. On applique la salafia. C'est pas on dit on est salafi. On peut le dire et on ne l'est pas. On peut dire je suis salafi alors que je ne suis pas un salafi. Mais c'est quelque chose qu'on applique. Mais quand tu tombes avec des gens qui disent, chacun veut montrer de quelle secte il est, celui-là il dit moi je suis chéri, l'autre il dit moi je suis ikhwani, l'autre il dit je suis tabliri. Donc il dit je suis Ahbash, je lui dis moi je suis Salafi, je suis Omar, Uthman, Ali, voilà ce que je suis moi. Wallahu ta'ala alam. Une sœur, Inch'Allah ta'ala. Question tafadhal, et musulmane pleine pudeur, j'attends que tu me reformules, qu'est-ce que tu n'as pas bien compris. Mais oui, ça moi j'ai une question de Sira. Le professeur est allé طائف نعم il est allé à Taif نعم Taif نعم ça c'est vrai il est allé à Taif نعم ma soeur n'a plus son tu lui écris au Abdullah que on les appelle Ahl à Taif comme ça comme elle a dit mais le mot Taif il n'y a pas il s'appelle Ahl à Taif mes questions j'attends ta question Akhi Karim parce qu'on n'a plus de son. Non, Inch'Allah. Les questions, tu n'as pas de questions? Pourtant, tu t'appelles mes questions. Allah l'Adam. Alaykoum salam. Est-il permis de frapper un enfant dans le cas de son éducation avant ses 10 ans? Vu que cela est interdit avant ses 10 ans, pour Salak Barakulafiram. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que voilà l'âge, il y a ni on frappe. Il n'a pas dit que c'est interdit. Il n'a pas dit que c'est interdit de frapper avant. Mais il a dit que voilà l'âge, on les frappe à cause de la prière qu'ils ne font pas. Maintenant, si tu le frappes avant, mais des frappes, yani, ce n'est pas des gifles, par exemple. Ce n'est pas avec un bâton. Mais juste, par exemple, le gronder comme ça, par exemple, lui donner un petit coup sur les, comme ça, par derrière. Ceci, Inch'Allah, ta'ala, n'est pas interdit, parce que tu le fais à cause de quoi? Tu le fais à cause de son din et pour l'éduquer. Et si quelqu'un frappe quelqu'un avec une gifle, par exemple, c'est interdit en islam. Même si on frappe quelqu'un d'âgé ou de petit ou là, la gifle est interdite en islam. Le visage est interdit en islam en général, que ce soit gifle ou coup de poing. Mais si tu le frappes comme ça, des petites frappes, pour lui faire peur, Inch'Allah ta'ala, il n'y a rien qui dit c'est interdit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a seulement montré quel est l'âge où lorsque tu le frappes, il commence à avoir peur. Wallahu ta'ala alam. Une sœur, Inch'Allah. Comme Anas a dit, le vinaigre est illicite alors qu'il est fait à la base d'alcool. Barakallahu fik. Inch'Allah ta'ala, il est licite. Inch'Allah ta'ala, il est licite. Et si tu veux sortir des machakils, sortir de tous les machakils, premièrement, si on te sert à manger ou là, il y a du vinaigre, ne demande pas. Ne dis pas que c'est halal ou c'est haram. Si on te sert à manger, tu es chez des gens, tu manges directement la salade. Si tu es chez toi, si tu veux sortir des problèmes, achète le vinaigre qui est à base de citron. Il y a un vinaigre qui est blanc à base de citron. Achète-le, Inch'Allah ta'ala, tu sortiras des problèmes, Inch'Allah ta'ala. Une personne, voilà ce que je veux te dire. C'est de préférence, ne rentre pas beaucoup dans ces choses-là, parce que on va avoir le wiswas, comme ça disent les ulama. Il y a, jusqu'à présent, il n'y a aucune fatwa comme ça, officiel qui dit que le khal est haram, le vinaigre est haram. Il n'y a aucune, même celui qui est un peu rouge, même si celui qui est un peu rouge. Mais quiconque veut sortir, il y a un peu du choubourette, s'il veut, pour être plus sûr, il achète celui du citron. Mais il ne dit jamais à quelqu'un, le khal est haram. Une personne demande si elle peut revendre sa maison à un kafir, en sachant qu'il va lui racheter avec de l'argent de riba. Quand quelqu'un fait de la riba ou de n'importe quoi, il fait l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, quand il est kafir, c'est que son argent est valable pour le musulman. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, en parlant des juifs, il a dit « Akkaluna li suht » Ils mangent la riba, ils mangent la rachwa, ils mangent kada. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait chez eux et mangeait. D'ailleurs une femme l'a empoisonné. Zaynab bint al-Harith. L'a empoisonné. Alors, les kuffars, on sait qu'ils font la riba et on sait qu'ils font le haram. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est qu'il m'a donné de l'argent en contrepartie de ma maison. Je m'en fous, moi, d'où il a ramené cet argent. L'essentiel, c'est que il ne m'a pas donné de l'argent comme ça. Mais c'est en contrepartie, comme je vends ma voiture, comme je vends ma villa, son argent n'a rien à voir avec ma voiture ou là avec ma maison. والله تعالى أعلم أبو عبد الرحمن تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته je voulais savoir est-ce qu'il est permis à une femme de demander d'apprendre du Coran pour dot de mariage et pouvons-nous dire que Isa est un compagnon puisqu'il a vu le prophète en sachant qu'il va revenir أحسن الله إليك نعم بسم الله الرحمن الرحيم en ce qui concerne La première question, en ce qui concerne la première question, il est permis à quelqu'un de ou à une femme de faire sa dot, de faire de sa dot qui lui apprenne le Coran. Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah a dit, il est même permis à une femme de faire de sa dot qui lui apprenne un livre de fiqh. Mais il a dit, il faut que ça soit, yani, comment dirais-je, il faut que, yani, il y ait un accord. C'est pas par exemple, il me dit, elle va lui dire, apprends-moi le livre de fiqh, et elle se tait. Il faut que ma dot sera que tu m'apprennes le livre fiqh sunnah, par exemple, de Sayyid Sabaq, le tome numéro 1. Voilà. Ou bien les 4 tomes. Ou bien, ma dot sera que tu m'apprennes dans le livre de Fiqh Sunnah, de Sayyid Sabaq, que tu m'apprennes le chapitre, les eaux. Le chapitre est monstrueux. Ça suffit. Si elle dit comme ça, c'est valable, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah. Et aussi une femme peut mettre comme dot quelqu'un qui se convertit. Elle lui dit, quand elle fait comme Umm Salama, elle a dit à son mari, si tu te convertis, yani, c'est ça ma dot, j'ai pas besoin d'argent, inshallah ta'ala. En ce qui concerne la deuxième question, pouvons-nous dire que Isa alayhi salam est un compagnon, puisqu'il a vu le prophète, et sachant qu'il va revenir, ahsanallahu ilayk, na'am. En ce qui concerne Isa alayhi salam, on ne peut pas dire que c'est un compagnon. Il y a un grand délit, lequel, c'est que tous les sahaba disaient, tous les salafs disaient, radiallahu ta'ala anhum, que le meilleur compagnon, après, le meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que le meilleur homme après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin a dit, si Isa était un compagnon, alayhi salam, on aurait dit ici, la meilleure personne après le prophète, c'est Isa alayhi salam. Mais puisqu'ils ont dit c'est Abu Bakr, c'est donc la preuve que ce n'est pas un compagnon. Et la deuxième cause pour laquelle on ne dit pas un compagnon, car Isa alayhi salam, c'est un prophète, et le prophète a un rang plus élevé que le compagnon. Si tu dis c'est un compagnon, tu lui as fait descendre de son rang. Wallahu ta'ala alam. Maintenant, il y a une sœur qui m'a envoyé cette question en email, elle a dit, je vais voir aussi elle a de la question, elle a dit, ma question est la suivante. Je connais une sœur mariée qui a des problèmes avec son mari qui est impuissant. Et il a du mal à avoir des rapports intimes avec sa femme. Et du coup, au niveau du couple, ça se passe très mal. Alors qu'ils ont eu une petite fille, Masha'Allah. Masha'Allah alayha. Mais c'est de pire en pire. Et la sœur craque. Elle se demande si ce n'est pas de la sorcellerie. Son mari veut prier, mais il n'arrive pas. Comment les aider? Inch'Allah ta'ala. Naam. Il faudrait que cette sœur, ou bien qu'elle, si elle est en train d'entendre, ou bien on lui dira, Inch'Allah, la sœur Sakhiyah, il lui dira, Inch'Allah ta'ala. Il faut qu'elle sache que, premièrement, quand un homme est malade de la maladie qu'elle vient de dire, yani, on ne peut pas dire directement à une femme, voilà le jugement. Pourquoi? Parce que ça diffère, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent à l'intérieur. Premièrement, il y a deux femmes, par exemple, qui tiennent beaucoup à leur mari. Il y a une femme qui dit, moi, même s'il est malade de toutes les maladies du monde, j'accepte. Comme il y a des hommes qui tiennent beaucoup à leur femme, qui ne veulent même pas se marier une deuxième femme alors qu'ils savent, parce qu'ils savent que leur femme n'aime pas et que même elle est très malade. Elle est première. Deuxièmement, il y a le contraire. Il y a des hommes qui, yani, se sont, yani, on voudrait s'en débarrasser. Comme il y a des femmes, yani, dont on voudrait se débarrasser. Donc, il y a ça qui rentre en jeu. Il y a aussi ce qui rentre en jeu, c'est que des fois, on doit savoir que celui qui patiente, a beaucoup de ajr chez Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui patiente a beaucoup de ajr chez Allah subhanahu wa ta'ala, car quand on aime quelqu'un, on tient à lui, yani même la maladie la plus grave qu'il a, on l'accepte. Et on se dit, ma'alish, au visage d'Allah, etc. Mais je voudrais dire à la sœur, je ne veux pas lui cacher ce que Allah Azza wa Jal et son prophète, yani la sharia, je ne lui cache pas la sharia. Moi, je lui dis la sharia, ensuite elle voit, yani ce que je viens de dire, elle voit les conditions, elle voit si elle l'aime, elle voit, etc. Moi, je te donne d'abord la sharia, je te dirai, inshallah ta'ala, de lui dire que quiconque des femmes a un problème avec son homme, son mari, qui est comme ça, yani, il ne peut rien faire, elle a le droit dans la charia de demander la séparation. Naam, elle a le droit de faire venir ses parents et de leur dire, voilà, moi je voudrais me séparer. Pourquoi? Parce que la femme, c'est comme l'homme. Peut-être que, des fois, elle a peur de la fitna. Et puis, ce que je voulais dire tout à l'heure, les hommes et les femmes, ça diffère. Comme a dit le prophète, alayhi salam, ma'adin. Il y a des hommes qui aiment beaucoup ça, il y a des hommes qui n'aiment pas ça, il y a des femmes qui aiment ça, il y a des femmes qui n'aiment pas ça, il y a des hommes qui, et des femmes qui sont excitées, il y a d'autres qui sont pas excitées. Donc, elle se connaît mieux. Si elle voit qu'elle peut pas tenir et qu'elle a peur de rentrer dans la fitna, celle-là, il lui est préférable de se séparer de lui à l'amiable. À l'amiable, ou bien sûr, s'il peut pas à l'amiable, c'est le tribunal qui les fait séparer, car c'est une des raisons de laquelle la femme peut se séparer de son mari. Mais en parenthèse, j'ai dit si elle voulait rester ou l'aimer ou là, bien sûr ça c'est autre chose, c'est elle qui le sait. Maintenant, ce que je veux lui dire, c'est que c'est permis en islam. Maintenant, si quelqu'un va dire, comme mon miskin, lui le pauvre, maintenant il est malade, et au lieu d'être avec lui, etc., on va le laisser, on va le délaisser, etc., comment on va faire, il y a un autre problème, Cheikh Ibn Uthaymeen a répondu avec une réponse très très convaincante. Il a dit, on va dire à ses parents ou à ceux qui disent ce que je viens de dire, on va leur dire, écoutez, maintenant on a un seul problème, ne faisons pas deux problèmes. On a un problème, lequel, lui il est malade. Ne faisons pas deux problèmes, c'est-à-dire en faisant un deuxième problème à la femme. Laissons la femme aller d'un autre côté, laissons-la vivre, laissons-la jouir, laissons-la. Pourquoi maintenant, à cause de, on a un problème, on va faire un autre problème à une deuxième personne qui n'en a pas? Laissons la femme, laissons-lui donner un homme, laissons-lui profiter. Pourquoi lui il est malade, on va la faire tomber malade elle aussi? Voilà comment a répondu Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi. Donc elle fait l'istikhara, elle fait des calculs, ce que je viens de dire, tous les calculs, et elle met entre ses yeux que si elle veut se séparer, inshallah ta'ala, il lui est permis dans la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait qui a créé les hommes et les femmes, et que les hommes sont attirés de par les femmes et les femmes sont attirées de par les hommes, un attirement bien sûr du halal dans le zawaj. Wallahu ta'ala alam. Ilyas, blog, salam alaykum, shaykh, sallallahu alaykum. Je sais que les ulama en kuffa rouous shia, mais est-ce qu'ils ont une main pour les awam, est-ce qu'il y a un khilaf à ce niveau, sallallahu alaykum, barakatuh. Naam, jazakallahu khayran, dwagis. Merci pour ta question, merci pour ta question, jazakallahu khayran. En ce qui concerne les awam, ceux qui, yani, le hujja qamat alayhim, ceux qui ont leur a dit attention, c'est haram, ils disent non, je m'en fous, moi je dis, celui-là c'est un kafir. Et les awam, les autres, qui suivent comme ça, sans savoir ce qu'ils font, les vieilles, les vieux, ça, qui suivent comme ça, c'est tout. Yani, comme des moutons. Ceux-là, ce ne sont pas des kuffars, inshallah ta'ala. Le kafir, c'est celui, quand tu lui dis ça, il te dit, moi je m'en fous. Moi, c'est un kafir, je m'en fous. Celui-là, c'est un kafir. Mais celui-là, le âme et le pauvre, le vieux qui ne sait pas, il est comme un mouton, il suit comme ça les autres chefs, celui-là, inshallah ta'ala, ce n'est pas un kafir. Naam. Pour les sœurs, tafadhalou. Une sœur anonyme demande, salam alaykoum rahmatullah, alaykoum salam alaykoum. Yachir, est-ce qu'un couple marié peut se balader en se donnant la main devant les gens barakallahu fik, jazakallahu khairan? Je crois, Allah ta'ala alam, ma soeur, ma chère soeur, je crois, Allah ta'ala alam, que c'est aïd et que ça se fait pas devant les gens. En islam, ça se fait pas comme ça devant les yeux, on a de la pudeur. Un musulman, avec sa femme, il la tient pas comme ça, comme font les kuffars. Les kuffars, mettre ce qu'on appelle bras dessus, bras dessous, ou bien ils sont là, ou ils font plus que cela. Le musulman, sa femme, devant sa femme, il doit la respecter, elle doit le respecter, et ils doivent respecter les gens pour que les gens les respectent. On n'a jamais vu dans les salafs que les couples se tenaient comme ça, bras dessous, là, wallahu ta'ala alam. Salafi tafadhal, salafi lion. Mais comme tu as dit ma soeur, mais s'ils sont seuls, yani dans un jardin ou dans une forêt où ils sont seuls, bien sûr, ils peuvent s'enlacer et plus, bien sûr, ça, c'est pas la peine d'en parler. Salafi, tafadhal. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inni uhibbuka fillah. أحبك الذي أحببتني فيه. و je dis à tous mes frères et mes sœurs qui sont dans la salle que je les aime en Allah subhanahu wa ta'ala, moi aussi. Ma question concerne les noms parfaits d'Allah et ses attributs. Fadal, je t'entends. Cheikh Salah Al-Sheikh Hafidullah a dit dans le sharh de Usul Thalatha, Babu Akbar, Babu Al-Akhbar, Aousa, Minbab, Aousa, plus étendu, Minbab Sifat, wa Babu Al-Af'al, Aousa, Minbab Sifat, attributs. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. وبيوم الكيس الشيخ صعود ونضعني كلك قواعد شو اسماء الصفات. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. نعم الشيخ واسمه صالح الشيخ si tu veux lire beaucoup plus ce qu'il a dit de plus détaillé etc. tu lis ces deux merveilleux livres dans l'un s'appelle شرح العقيدة الوسطية هذا le livre de Cheikh Ibn Taymiyyah et Sharh al-Aqida al-Tahawiyya. Dans ces deux-là, il a parlé avec beaucoup de détails et c'est un homme, Inch'Allah, il est très jeune, je crois qu'il a à peine 40 ans. C'est un homme que Allah Azza wa Jal lui a donné une science, yani, Masha'Allah. Pourtant, il est jeune et il est ministre, vous savez, un ministre, yani, il n'a pas beaucoup de temps, etc. Et pourtant, Allah Azza wa Jal lui a donné beaucoup de science, Allah Azza wa Jal qui nous donne de ce qu'il lui a donné. Tu as dit, il a dit dans le char, Babu al-Akhbar, Aousa, Min Bab al-Af'al. Wa Babu al-Af'al, Aousa, Min Bab al-Sifat. Naam. Babu al-Akhbar, quand tu dis toi, pour Allah Azza wa Jal, par exemple, tu dis, Sayuqsimu Zahra had l'insan. Tu parles, tu dis, Allah Azza wa Jal, Sayuqsimu Zahra al-Khawarij. Ici, Akhbar, tu as informé. C'est tout. Naam. Tu as informé, alaykoum salam, parce que, yuqsim dhar, il n'y a pas un fi'al qui dit que, Allah Azza wa Jal yuqsim. Ça, c'est jamais lu dans le Coran, dans le hadith, que Allah Azza yuqsim al-dhar. Mais toi, tu as seulement quoi? Tu as seulement informé. C'est pour ça que le chapitre, ou le bab des informations, est plus vaste que celui des af'al. Là, tu dis, j'ai pas dit Allah Ta'ala yif'al. J'ai dit yuqsim dhar al-kuffar. Ça veut dire akhbartu, c'est tout. Ensuite, il a dit au bab al-af'al, awsa min bab al-sifat. Naam, quand tu dis, maintenant tu parles d'un fi'al. Tu parles d'un fi'al. Quand tu dis, par exemple, l'Azza wa Jal, par exemple, l'inafrit, par exemple, yantaqim. Par exemple, yantaqim. Bon, l'Azza, il a dit le muntaqim. Là, quand je cherche un autre verbe, quand tu dis l'Azza wa Jal, par exemple, tu cites un verbe. Tu n'es pas obligé que ce verbe soit sefa min sefet. Tu n'es pas obligé que ce verbe soit sefa min sefet. Tu diras par exemple que Allah Azza wa Jal sayf'alu bihum kada wa kada. Et tu emploies un verbe, alors ce verbe, quand on cherche dans le Coran et dans le Sunna, il n'existe pas. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que ce verbe, ce chapitre, ou là, c'est pas comment on dit ça, est plus vaste et plus étendu. Ce qui est difficile, c'est Bab al-Asma. Bab al-Asma. Personne n'a le droit de dire que Allah Azza wa Jal s'appelle de quelque chose sans que cette chose soit dans le Coran, dans la Sunna. C'est pour ça que chaque nom a une sefa et pas chaque sefa a un nom. Chaque nom a une sefa. Quand tu dis Samir, il y a Sama. Tu dis le Basir, il y a le Basar. Tu dis le Qadir, il y a Sifat al-Qudra. Tu dis le Hakim, il y a Sifat al-Hikma. Mais c'est pas chaque sefa qui a un nom. Par exemple, tu dis Allah Azza wa Jal, wa nafakhna fiha min ruhina, nafakhna. On a insufflé. Tu peux pas dire Allah Azza wa Jal, c'est l'insuffleur. Taqul, wa ja'a rabbuka. Tu peux pas dire Allah Azza wa Jal, c'est le ja'i, c'est le veneur, c'est celui, là, il vient, il est venu, tu peux pas dire c'est le veneur. Wa sama'a banaha. Banaha, c'est un fi'al. Sifa. Ça? Et tu peux pas dire Allah Azza wa Jal, c'est le bani, c'est lui le constructeur. Et ainsi de suite. C'est pour ça que je demande à mes frères et mes sœurs, surtout ceux qui parlent beaucoup en français, etc., que quand ils emploient des verbes et parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient yani, très, comment dire, yani, ils disent pas n'importe quoi. Hein? Ils disent pas n'importe quoi. Yani, avant de dire quelque chose sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur toi un verbe, même les noms, c'est plus grave. Mais surtout un verbe, yani, il faut qu'il soit sûr, surtout s'il va mettre ce verbe comme attribut, il faut qu'il soit sûr que ce verbe existe. Hein, existe. Certains, par exemple, quand ils parlent d'Allah, ils disent n'importe quoi. Ils disent, par exemple, est-ce que ruse avec ses ennemis? Non. Ça, ruse avec ses ennemis, mais on ne peut pas dire Allah Azza wa Jalla ruse. On peut dire seulement ruse avec ses ennemis. Yamkuru wa yamkuru Allah. Tu ne peux pas dire Allah Azza wa Jalla yamkur et tu te tais. Ou tu dis Allah Azza wa Jalla c'est un maker. C'est plus grave. C'est une faute à dire. Tu dis wa yamkuru Allah. Tu dis istanzi'un, istanzi'un Allahu bihim. Allahu istanzi'un bihim. Wa akada. Il y a certains sifat attributs qui marchent comme ça, collés. Ils ne marchent pas seuls. Ça, c'est une autre règle, inshallah ta'ala. Celle qui ne te presse pas, inshallah ta'ala, ne te presse pas, aide le livre dont tu viens de citer. Aide. On va lire, inshallah ta'ala, al-qawa'id al-musla. On va lire, inshallah ta'ala, un jour, al-qawa'id al-musla de Cheikh bin Uthaymeen, rahmatullah. Bien sûr, c'est lui qui l'a expliqué. Inshallah ta'ala, on donnera beaucoup, beaucoup de règles dans ce livre, inshallah ta'ala. Naam. Zanjabila. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pour le shir, pour ma question, jazakallahu khairan. Ukhti, de lui dire. Inshallah, naam. Ibn Muhammad. Tafadhal. Ibn Muhammad. Tafadhal. Celui qui perd ses ablutions pendant le discours du vendredi, doit-il refaire ses ablutions de suite ou il attend la fin du discours? Naam. Quand je termine celle-là, pose Abdallah, prépare ta question. Celui qui perd ses ablutions, Akhi Ibn Muhammad, Ibn Muhammad, Ya Akhana Karim, celui qui perd ses ablutions pendant le discours du vendredi, il doit se lever immédiatement et aller vite faire ses ablutions pour qu'il attrape la salat. Naam. Il doit se lever en plein discours et aller faire ses ablutions. Pourquoi? Pour que sa salat, il ne la perde pas. Pour que la salade, il ne la perde pas. Ensuite, la salade, quand il va à la maison pour manger la salade. Donc, Inch'Allah ta'ala, il se lève et il va faire les ablutions. C'est pour ça que l'allama Ibn Hazm, alayhi rahmatullah, a écrit dans le Muhalla, un de ses livres les plus merveilleux. Il parle de certains gens qui font beaucoup, le discours ne se termine pas, une heure, deux heures, ça. Et les gens qui ne savent pas qu'ils peuvent aller aux toilettes pendant le discours. Ils ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas. Il a dit, quelqu'un s'est assis devant moi, quand il a terminé l'autre le discours, l'autre avait son pantalon tout mouillé. Pourquoi? Il a uriné sur lui-même. Il n'a pas pu se retenir. Le discours, il est très long, une heure et demie, ou là, je ne sais pas combien. Et il ne connaissait pas la sunna, tu peux te lever, tu peux te sortir, etc. Alors, il a uriné sur lui-même. Et alhamdoulilah qu'il n'a pas fait autre chose. اتفضل الاخت ام عبد الله فيك بارك الله ابن محمد فيك بارك الله ام عبد الله جاتون تا كيستيون ان شاء الله نعم ensuite j'ai oublié de dire une chose à ام عبد الله et à Zanjabila qui en ont point qui n'ont pas les points rouges les deux autres je leur ai dit si jamais de temps en temps ام عبد الله et Zanjabila et les autres qui de temps en temps j'enlève le point rouge. Si jamais quand je suis en train de faire le dars, on vous envoie des choses comme ça qui sont pas bien. Même des choses qui ont rapport avec moi, par exemple. Celui-là, c'est un sorcier, ou là, c'est un menteur, ou là, c'est un tekfiri, ou là, n'importe quoi. Ne me le dites pas, barakallahu fikoum. Ne me le dites pas, vous l'effacez, vous envoyez à cette personne, vous lui dites la yahdik. Et s'il continue, vous le faites sortir de la salle, ou là, vous me dites, je le fais sortir, c'est tout. Mais ne me dites pas des choses, par exemple, ils ont dit de toi ceci, cela, ça, tout ça, inshallah ta'ala. Premièrement, ne m'intéresse pas. Deuxièmement, pour ne pas me déconcentrer. Barakallahu fikum. Umm Abdullah a dit, une sœur qui désire rester anonyme a dit, alaykoum salam, je me suis agressé sans raison il y a quelques mois par un homme maghrébin qui battait aussi sa femme. Au cours de cette agression, j'ai reçu de nombreux coups en étant au sol. En m'arrachant mon hijab, après quoi il a tenté d'aller plus loin, mais alhamdoulilah, des frères sont intervenus. Cette personne s'est fait juger et a fait 6 mois d'emprisonnement lors du jugement. Une somme de dédommagement a été fixée par l'avocat. Suis-je en droit de la réclamer, du moins explicite, ou bien cet argent en réparation du mal qu'il a fait n'a pas lieu d'être, sachant que je suis indifférent à cet argent, mais que je souhaiterais qu'il reconnaisse l'indignation qu'il m'a fait subir. Barakallahu fikoum. Naam. De toute façon, si tu prends cet argent, si tu prends cet argent et tu le donnes aux pauvres, là tu le donnes à des gens qui en ont besoin, ce sera bien dans ce sens que, dans ce sens que, c'est un supplice pour lui, iqab, c'est un iqab pour lui, pour que la prochaine fois il ait un peu peur. Car le hakim, le musulman, le hakim musulman, quand il prend quelqu'un qui fait des choses comme cela, il peut faire ce qu'on appelle ta'zir. Ta'zir, il peut l'emprisonner, il peut le frapper, il peut lui enlever une somme d'argent. Naam, si tu le prends et tu le donnes à quelqu'un, surtout des pauvres, Inch'Allah ta'ala, tu auras un ajr. Mais si tu le prends, ensuite tu vas savoir que tu vas avoir des machèques, des problèmes avec lui, il va dire tu m'as pris de l'argent, ou là tu m'as demandé de l'argent, ou là il va te refaire des machèques, il vaut mieux oublier ça. Et l'essentiel, alhamdoulillah, qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, l'essentiel, alhamdoulillah, qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, c'est pour ça que on fait beaucoup de dua à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous protège. Et Allah azza wa jalla dit dans le Coran, إن الله يدافع عن الذين آمنوا الله عز وجل يدافع défend les croyants الحمد لله الذي ثبتك ولم يوفق هذا الماكر وهذا الخبيث كاسي صلاه تفضل السلام عليكم beaucoup sont entre salat maghrib salat isha et si je vais à la mosquée alors je rate beaucoup qu'est-ce qui est mieux et connaissez-vous Cheikh Wahid ibn Abd Salam Badi qui a écrit comment se protéger des djinns et des chètes. Beaucoup sont entre Salat Maghrib et Salat Aïcha. Naam, Salat Maghrib et Salat Aïcha, chez toi, ça. Anna, pour moi, il est ici 1h du matin. Je l'ai fait moi, après 2h30, après la Salat Aïcha. C'est un décalage horaire, comme tu dois savoir. Ensuite, je vais à la mosquée, alors je rate beaucoup. Qu'est-ce qui est mieux? Peut-être qu'Inch'Allah Ta'ala, tu vas à la mosquée, et tu demandes à quelqu'un d'enregistrer. Le temps qu'Inch'Allah Ta'ala, on va changer les cours quand très bientôt c'est l'hiver. On va changer Inch'Allah les cours. Je vous demanderai ensuite de m'envoyer à l'email. Vous me direz quels sont le temps préférable en Europe pour que j'essaye moi de m'adapter à vous. Parce que c'est difficile que vous vous adaptiez à moi. Ensuite, connaissez-vous Cheikh Abdel Wahid? Naam, je le connais pas personnellement. Je le connais pas personnellement. Mais je sais qu'il a ce livre, je l'ai lu ce livre, il est bien en général, il a des choses qui ne sont pas, des choses, il y a des petites fautes, mais ce livre est bien en général, et je crois au Allah Ta'ala, c'est un homme, Inch'Allah Ta'ala, salafi, wa law zaki Allah ahadan, Wallahu Ta'ala alam. Est-ce qu'il y a pour une sœur une question? Shuraib. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je souhaiterais connaître la différence entre Al-Adam et l'Inqiyad. Barakallahu fik. Idan ou l'Inqiyad. Wallah, personnellement, je ne connais pas quelle est la différence, ma soeur. Ma soeur Mchoureb, je ne connais pas la différence. L'Idan ou l'Inqiyad. Peut-être que l'Idan. L'Idan, c'est quand il y a le cœur aussi. Et l'inqiyad peut-être quand il y a le corps seulement. Hein, on dit le chameau, yinqad. Le chameau, quand tu le tires, il te suit. Peut-être qu'avec son cœur, il n'est pas avec toi. Peut-être que l'id'an, il y a encore le cœur. Mais j'ai dit de ma tête, je ne connais pas la question, je ne connais pas sa réponse. Barakallahu fik. Jazakallahu khayran. Ala ad-din, tafadlal. Al-Addin a dit, salam alaikum. Est-il vrai que quand les circonstances ne permettent pas aux musulmans d'accomplir alors la prière du vendredi, et qu'il permet aux mosquées de choisir l'opinion de l'école Hanbalite, qui me permet d'accomplir la prière du vendredi, entre le don Zawal, avant le don, ou bien l'avis de l'école Malikite, qui permet de l'accomplir à l'heure du As, s'il a des difficultés pour l'accomplir à l'heure. Je n'ai pas bien compris. Est-il vrai que quand les circonstances ne permettent pas aux musulmans d'accomplir à l'heure la prière du vendredi, et qui permet aux mosquées de choisir l'opinion de l'école Hanbali et du Dor ou bien l'avis de l'école Malikite qui permet de l'accomplir s'il a des difficultés pour l'accomplir à l'heure. Naam, maintenant de nos jours, je ne sais pas par exemple comment ils ont des difficultés pour l'accomplir à l'heure. Mais j'ai lu que Salat al-Jumu'ah, qu'elle pouvait se faire très très tôt, bien avant. J'ai cherché dans quelques affaires, j'ai trouvé quelques affaires qui sont vraies, que la salat du Jumu'ah, on peut la faire avant, yani avant l'heure qu'on a fait maintenant, de quelques heures, même de 3 ou 4 heures, si je ne me trompe pas. Donc si on est en difficulté, on peut la faire, comme tu as dit, un peu avant l'heure, car il y a des affaires en ce sens, et ce sont des affaires qui sont sahih. Mais yani, sur le terrain, je ne vois pas, par exemple, comment ils ne peuvent pas la faire à l'heure. Mais là, peut-être qu'il y a des choses auxquelles qui m'arrivent pas, passent pas par la tête maintenant. Mais il y a toujours, Inch'Allah Ta'ala, dans un pays mécréant. Naam, est-ce que dans un pays mécréant, si tu l'as fait à l'heure, on ne te laisse pas, et si tu l'as fait pas à l'heure, on te laisse, parce que si tu l'as fait pas à l'heure, ils vont à l'école. Ah, naam, maintenant je comprends. Naam. Pour faciliter à ce... Naam, naam. Il y a des affaires qui sont vraies, que la Jumu'ah commence avant. Et c'est le madhhab Ahmed, naam, c'est le madhhab Ahmed, basé sur des affaires, que la Jumu'ah peut, Inch'Allah Ta'ala, se faire avant Zawal. Wallahu Ta'ala a'lam. Naam. Est-ce qu'il y a une question pour une sœur? Sœur anonyme, je suis des cours de femmes dans une mosquée, mais c'est l'imam qui nous le donne, sans rideau. Est-ce que c'est permis ou est-ce moi qui dois mettre le sitar pour les cours? Non. En principe, quand l'imam donne les cours, en principe, il doit y avoir les hommes d'abord et les femmes derrière. Et les femmes derrière. Le rideau, ce n'est pas vraiment, vraiment une obligation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des cours, il n'y avait pas de rideau. Et les femmes autrefois, quand elles faisaient la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles faisaient la prière sans qu'il n'y avait de rideau. Sans qu'il y avait de rideau. Et c'est pour ça qu'il a dit que le meilleur rang des femmes, c'est celui le plus éloigné. Et le meilleur rang des hommes, c'est celui le plus rapproché. Et la preuve qu'il n'y avait pas de rideau, c'est ce hadith. Il a demandé aux femmes d'aller au derrière, au loin, et aux hommes de se rapprocher vers l'avant. C'est pour ça que la preuve qu'il n'y avait pas de rideau encore, c'est qu'il y avait une fois une sahabia, une compagnon, une des compagnons qui était très belle et qui, quand elle venait faire la prière, quand elle venait faire la prière avec les hommes, elle se mettait derrière. Il y avait certains ou bien quelques-uns ou bien un seul qui allait se mettre en dernier, comme ça, lorsqu'il faisait l'inclinaison, lorsqu'il s'inclinait, il pouvait voir derrière à travers son aisselle. Il pouvait voir la femme qui était derrière lui. Et là, Azzawajal a fait descendre un verset où il est dit, Walaqad na'lamu al-mustaqdimina minkum. On connaît ceux, là, Azzawajal a dit dans le Coran, dans ce verset, il a fait descendre ce verset à cause de cet homme et de sa femme. Et cette femme, il a dit, on connaît ceux qui, lorsqu'ils rentrent à la mosquée, vont derrière, yani à cause de la femme, et ceux qui vont devant, yani à cause de ceux qui suivent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà une preuve que, autrefois, il n'y avait pas de rideau entre les femmes et les hommes. Maintenant, les ulama disent, puisqu'il y a la fitna, autrefois, il n'y avait pas beaucoup la fitna. Maintenant, puisqu'il y a la fitna, si on met le rideau, ce n'est pas parce que c'est le din qui dit cela. Il y a un hadith qui dit. Mais c'est Ruh Sharia. C'est à cause de les fitnas qui ont vu le jour qu'on va mettre le rideau. Surtout que certaines femmes, peut-être, prennent par exemple avec le madhhab de l'Albani qui dit par exemple que le visage, on peut le montrer. Donc dans ce cas, ça devient difficile pour quelqu'un de faire des cours à des femmes assises en face de lui et qui, en plus, montre le visage. C'est pour ça que, de préférence, yani, si tu peux, Inch'Allah Ta'ala, c'est toi qui te caches. C'est toi qui caches ton visage quand il te fait le dars, Inch'Allah Ta'ala. Qu'est-ce qu'il n'a pas parlé encore? Bon, à la direction électrodine, on parlait. Abou Shaima, tafadval 40. Abou Shaima 40, tafadval. Salam alaykoum. Si tu croises une femme voisine dans la rue, est-ce que je peux lui dire salam alaykoum ou bonjour? Si la personne n'est pas musulmane, ou bien une femme, si elle croise un voisin dans la rue, est-ce qu'elle peut lui dire salam alaykoum ou bonjour si la personne n'est pas musulmane? Naam, on commence, je vous parle d'abord de salam, ensuite de bonjour si elle n'est pas musulmane. Le salam n'est pas interdit en islam. L'homme dit à la femme et la femme dit à l'homme. Seulement, on ne dit pas quand on a peur de la fitna. Donc, chacun sait quand il y a la fitna ou il n'y a pas. Si maintenant tu sais que, voilà, c'est cette femme, si je vais lui dire salam, c'est le genre qui parle beaucoup, c'est le genre qui se colle beaucoup aux hommes, etc. Donc celle-là, je ne lui dis pas salam alaykoum. Je sais, c'est une femme à fitna. La même chose la femme. Elle sait que celui-là, c'est un homme, il n'est pas bien, il n'a pas de akhlaq. C'est un homme qui se colle beaucoup aux femmes. Je vais lui dire salam, il va penser à autre chose, il va du salam, il va me dire comment vas-tu, où étais-tu hier, où est-ce que tu vas demain, qu'est-ce que tu as mangé. Celui-là, je ne lui dis pas salam. C'est mieux. Mais si c'est quelqu'un, il y a ni deux pieux, etc., c'est un voisin, ou là, assez âgé, ou là, tu lui dis salam quand il n'y a pas de fitna. Maintenant, pour le bonjour, de préférence, les ulama ont dit, on ne commence pas le kafir. Le kafir qui n'est pas musulman, on ne le commence ni par bonjour, ni par autre chose. Mais si lui, il commence, on lui répond. Si lui, il dit bonjour, on lui dit bonjour, comment allez-vous? Si lui, il ne dit pas, on dit de préférence, on ne lui dit pas. Wallahu ta'ala alam. Est-ce qu'il y a une question pour une sœur? Est-ce qu'il y a une question pour une sœur ou bien je donne à Mamadou? Naam, on termine avec ça. Mamadou, tfadbal. Mamadou 31. Naam. Mamadou 31. Aïkoum salam. Il y a un frère qui a dit, un frère qui voulait faire mouqabel avec une sœur de venir chez ses parents sans l'autorisation de leur père. Parce qu'ils savent que leur père ne voudrait pas qu'il veut qu'elle se marie au bled. C'est permis ou pas qu'il fasse sans l'autorisation du père. Bon, je relis, je n'ai pas compris. Il y a un frère qui a décidé et a dit à un frère qui voulait faire mourable avec sa sœur de venir chez ses parents sans l'autorisation de leur père. Parce qu'ils savent que leur père ne voulait pas, parce qu'il veut qu'elle se marie au bled. C'est permis ou pas qu'il fasse sans l'autorisation du père. Barakallahu fik. Chauffe Akhi Mamadou 31. Quand il fait quelque chose que le père n'aime pas, ce n'est pas bien. Parce que peut-être qu'il va savoir, peut-être qu'il va venir comme ça à l'improviste, on ne sait jamais. Peut-être qu'on va lui dire et il va faire beaucoup de problèmes. Celui-là, le frère, il prend sa sœur qui va faire la muqabala, il va dans n'importe quel endroit et il attend le monsieur. Il attend le monsieur et il fait la muqabala. Ce n'est pas obligé à la maison. Je prends ma sœur par la main, qui est ma sœur du père et de ma mère, et je vais dans un jardin, je donne un rendez-vous à ce bonhomme. Il vient, je lui dis, voilà ma sœur. Est-ce que c'est interdit que je sois avec ma sœur, moi? Elle est avec son mahram, que ce soit à la maison ou ailleurs, il n'y a pas de différence. Mais maintenant, dans ce cas, ailleurs c'est mieux, pour ne pas faire de problème avec ton père, avec son père, incha'Allah ta'ala. L'autre, Mdoua, j'ai pas compris ce que tu veux dire. Hein. Est-ce qu'il y a une question d'une sœur? Naam, son père passe pour mahram, mais c'est celui-là, c'est seulement pour l'avoir. Naam, celui-là, c'est pour la muqabala. C'est pas son tuteur. Celui-là, c'est juste pour l'avoir. D'ailleurs, s'il veut l'autre, celui qui veut demander sa main, s'il veut même l'avoir sans son frère, il peut. Il cherche seulement où elle travaille ou là où elle va à l'école, il l'attend devant la porte et il la voit. Quelqu'un peut-il lui interdire de la voir passer dans la rue? Maintenant, si c'est son frère qui la prend, juste pour voir si ça va marcher ou non. Maintenant, si ça marche pas, c'est le père qui va être le tuteur. Mais on sait que ça sert à rien parce qu'il veut pas son père. Comment on fait? Naam, celui-là, vous essayez, Inch'Allah Ta'ala, vous essayez de convaincre son père et la sœur aussi doit avoir à parler. Ma sœur doit avoir à parler et elle dit que c'est pas la peine de penser que vous allez marier avec qui vous voulez. C'est moi qui vais me marier avec lui et elle commence à parler, elle demande ses droits, ce sont ses droits. Comme elle fait ses devoirs, elle demande ses droits. Quelqu'un a marié une fois sa fille sans que le prophète, sans lui avoir demandé son avis. Ensuite, elle est allée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit tu es libre, si tu veux on annule ce mariage, ils l'ont annulé. Naam, personne n'a droit de marier sa fille avec qui il veut lui, mais avec qui elle veut elle, c'est pas lui. Sauf si elle, celui qu'elle veut, n'a pas les conditions. Si c'est un soulard, un voleur, un menteur, celui-là, on l'en marie pas, on lui dit non, il n'a pas les conditions. Ma fille, va chercher quelqu'un qui a les conditions et je te marie avec lui. Donc vous essayez, elle de son côté, sa mère de son côté, toi tu ramènes des gens à son père, tu ramènes l'imam, tu ramènes ses frères, ses oncles, etc., qui lui parlent et tu fais beaucoup de doigts, Inch'Allah Ta'ala. Om Ilyas, ta fadla li Om Ilyas. Il n'y a pas de hadith qui dit cela et faire le jeûne par solidarité, ça rentre dans la bida. Attention, tu le fais ma soeur, tu vas rentrer dans la bida. Et on ne fait jamais de jeûne par solidarité. On fait le jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, pour son visage subhanahu wa ta'ala, lundi, jeudi, Ashura, Tessoura, et les trois jours, 13, 14, 15, etc. On ne fait jamais le jeûne parce que les gens sont des mashakils. Voilà ça, c'est les kuffars qui font cela. Ce sont les kuffars qui jeûnent par solidarité. Attention, inshallah, si tu le fais, tu vas entrer dans la bida. Attention. Et هذا نجتمع غدا باذن الله على الصيام والدعاء للمجاهدين. Tout ça, c'est la bida. Il n'y a pas de ijtima, il n'y a pas de réunion. Pour le siyam, il n'y a pas de réunion pour le dua. Le dua, tu le fais tout seul. La nuit, à 3h du matin, tu te lèves. Quand l'Azza wa Jal descend au ciel de la terre, tu te lèves, tu fais des dua. C'est pas, on va se grouper. Même la salat nafila. La salat nafila, c'est une bida de se regrouper à cause d'elle. On va dire, je parle de la salade de la nuit par exemple. On va dire la nuit, bien on va se réveiller, on va faire une salade de groupe. Celle-là c'est de la bida. Si je me réveille tout seul, et toi tu te réveilles tout seul, tu me trouves en train de faire la prière, tu viens à ma droite, comme a fait Abdullah ibn Abbas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est trompé, il est allé à sa droite, il a rendu à sa gauche. Là, c'est une sunna. Mais si on se dit deux, on se rencontre tout à l'heure pour faire la prière, ça, c'est bida. Sauf salat tarawih. Jamad 38, tafadhal. On va dépasser, on doit arrêter, inshallah. Comment faire avec le ouswes? On se pose toujours des questions, si on a bien fait ou mal sa prière. Quand on arrive à l'heure de la prière, on stresse au point de ne plus savoir, dire la fatiha, je suis quelqu'un de faible. Je pense à chaque fois que je suis pas sincère. Et que mon cœur n'est pas sincère. Je suis rarement en accord avec moi. Moi-même, merci. Merci de me répondre à la question. Et pour ma femme, merci. Jamal 38, Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, tu es quelqu'un de bien, toi. Tu es quelqu'un de sincère. Parce que celui qui n'est pas sincère, il le dit pas. Celui qui n'est pas sincère, il le cache. Il dit, je suis le meilleur des gens, je suis ici le meilleur dans la salle. Mais celui qui a peur d'Allah, qui est sincère, celui qui pose des questions, il n'a pas peur. Il n'a pas honte, il pose des questions, il dit, voilà, j'ai ce problème et j'ai ce problème. Ce que tu as, il faut, Inch'Allah Ta'ala, lui faire le djihad. Il faut lui faire le djihad. Quand tu laisses ton cœur, il faut lui faire le djihad. C'est-à-dire que, essayer de lire beaucoup le Coran, essayer de faire tahsinat, essayer de lire l'adhkar les matins, adhkar le soir, essayer de faire beaucoup de dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, essayer de penser beaucoup à l'au-delà, penser au jour qui nous attend, penser à l'enfer. Comme ça, yani, comme a dit l'Azawil, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. L'Azawil nous a donné une âme, il nous a dit, si vous faites triompher sur elle, khalas, vous avez gagné. Mouflih. Asbahta min mouflihin, tu es des gagnants. Mais si tu la laisses, c'est elle qui va gagner, tu vas rentrer dans les problèmes. Donc toi, tu es, Inch'Allah Ta'ala, en train de faire la bataille à ton âme. L'Azul aime quelqu'un qui fait la bataille à son âme, à ses désirs, à ses tentations, et à son ouswes, jusqu'à ce qu'il le triomphe. Et l'Azawajal a promis qu'il te fera, Inch'Allah, triompher. Tant que tu es sincère et que tu essayes, tu te bats avec toi-même, Inch'Allah Ta'ala, tu vas triompher. Seulement, il faut prendre yani, l'asbab, les causes. Il faut essayer d'être beaucoup, beaucoup avec les gens, avec les pieux. Ne pas rester beaucoup avec ceux qui parlent beaucoup dans le vide, qui parlent beaucoup dans les choses que l'Azul n'aime pas. Ne pas rester beaucoup en face de la télévision. Pas rester beaucoup en face de la télévision qui te fait oublier l'Azul, qui te fait oublier d'Allah. Ne pas écouter la musique. La musique, quand elle rentre dans le cœur, elle fait sortir ce que tu as, comme yani, la perfection de l'iman, etc. Elle le fait chasser du cœur. Il faut laisser ton cœur spécialement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, inshallah ta'ala, qui va te faire triompher et tu vas sentir, inshallah ta'ala, que tu as changé. Pense beaucoup aux salawat et essaye de les faire au maximum à la mosquée avec les gens. Et tu verras que, inshallah ta'ala, dans certains jours, ça va, inshallah ta'ala, changer. Wallahu ta'ala a'lam. La dernière question, je la donne, inshallah, Ben Yahya 1976. Ben Yahya 1976, tafadlan. Et je vous demande de me rappeler, vous qui avez vu dans le blog, de vos mots. Oumliès, pardon, Oumliès n'a pas parlé. Tafadlan, Oumliès, t'es oublié. Je croyais que tu avais parlé. Je vous demande de me rappeler, c'est quand le prochain dars et c'est quoi? Oumliès a dit, d'après le hadith, l'image repose dans la tête. Si la tête est coupée, il n'y a plus d'image. Est-ce qu'on peut garder les têtes des peluches de mes enfants en cousant un bout de tissu par-dessus? Et j'ai une question de mon petit de 4 ans. S'il peut dessiner juste un sourire sur les bonhommes. Merci, c'était pour moi. Jazakallahu khairan, Jamel 38. Ilyas, il y a un hadith qui dit l'image, c'est la tête. Justement, maintenant toi, tu as fait le contraire. Tu as dit, je garde la tête. Et le hadith dit, c'est la tête qui est l'image. Ça veut dire, toi, tu dois te débarrasser de la tête. C'est la tête qui ne doit pas exister dans la maison. C'est la tête et ce n'est pas le corps. C'est le contraire de ce que tu as dit. Les têtes des peluches, etc., on les jette. C'est ça qu'on jette. Et tu mets autre chose à la place de la tête des peluches. Ensuite, j'ai une question pour Monty. S'il peut dessiner juste un sourire sur les bonhommes. J'ai pas compris ça, ma sœur. J'ai pas compris comment qu'il dessine un sourire sur les bonhommes. C'est-à-dire, il dessine des gens en train de rire ou là, comment? J'ai pas compris. Est-ce que tu peux me faire comprendre, Barakallahu fik? Est-ce qu'il peut dessiner des hommes en train de rire? C'est-à-dire, pas les yeux. Est-ce qu'il peut dessiner que le sourire, la bouche? Non, yani, si je comprends bien, yani une tête, un visage comme ça, il n'y a ni les têtes ni rien. Non. Seulement, quelqu'un en train de, il y a seulement la bouche. Ah, la bouche qui fait comme la lune. La lune comme ça. Quelqu'un qui est en train de sourire. Non. Ce que je sais, ma sœur, ce que je sais, Wallahu ta'ala alam, c'est que, j'ai lu Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah qui a dit, quand quelqu'un, par exemple, il est en école, etc., et qu'on l'oblige à dessiner, il essaie au maximum de ne pas dessiner. Mais si on l'oblige, c'est l'autre qui va avoir le ithm. C'est l'autre qui va avoir le ithm. Demain soir, si je sors ici, non, Ntawa, tu es sûr que demain il y a un cours? Je suis pas sûr, moi. Tu as écrit demain soir cours sur le samedi. Demain, c'est samedi. C'est pas demain. Nam. Non, moi j'ai pensé qu'il y avait quelqu'un, un autre qui s'appelait comme moi. J'ai dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'appelle comme moi. Je vais venir demain, inshallah ta'ala, l'écouter. Je vais venir demain, inshallah ta'ala, l'écouter. Je reviens à ma soeur. Je disais que de préférence quand on peut, inshallah ta'ala, on évite au maximum. Quand on peut, on évite au maximum. Mais maintenant, si on fait seulement un cercle comme ça, en sans le corps, un cercle, et une lune comme ça de la bouche, Inch'Allah ta'ala, c'est pas grave. Inch'Allah ta'ala, c'est pas grave. Mais on fait pas tout le corps, Inch'Allah ta'ala. Je dois m'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala, Ben Yahya. Bon, je crois que j'avais dit à Ben Yahya de poser sa question. Je sais pas s'il l'a posé. Non. Ben Yahya, pose ta question, Barakallahu fik, il est déjà écart. Pose ta question, Ben Yahya, Barakallahu fik. Salam alaikum. الشيخ فهمنا في القضية السلفية الحددية اللي ظهرت هنا في وران فهمناهاش مليح. كانوا سلفية عادية راها سلفية حددية. هذا ما كان بين بعد استفسارات. وجزاكم الله خير. الشيخ بن يحيى بارك الله فيك. شو نجاوبك بالعربية ولا بالفرنسية؟ اكتب لي AR ولا FR بارك الله فيك أو لا F. A بالعربية F بالفرنسية. نعم الحدادية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هؤلاء شيخنا وأخانا الكريم بن يحيى هؤلاء ممكن أخطر فرقة في هذا الزمن. فهمت؟ فرقة خطيرة جدا جدا جدا جدا الحدادية. فرقة تقول يعني بتبديع العلماء وبتكفيرهم. فرقة تقول لابد من حق كتب ابن حجر العسقلاني وحق كتب النووي حق كتب الشاطبي حق حتى ماذا حتى لا يبقوا إلا هم. فإذا بقوا هم ماذا يفعلون؟ يتخذون رؤوسا جهالا فيجعلونهم أئمة يستفتونهم ويفتونهم بغير علم فيضلون الناس. هؤلاء الحدادية أخي كريم لابد أن تحذر منهم الناس فإنهم على ضلال. نعم ضلال وغواية. نعم هؤلاء أتباع فلاح الحرب نعم إنهم في ضلال كبير وفي غواية كبيرة. فهمت ماذا فعلوا؟ فلم يجدوا مكانا خصما إلا الجزائر. الحدادية هذا الحرب هذا وين استطاع؟ فقط في الجزائر. في جهة أخرى ما مشتلوش الحالة. الجزائر كل يعني من هم أتباعه؟ أتباعه أناس ما عرفوا العلم قط في حياتهم ولا درسوا عند شيوخ. أكثرهم كانوا في التكفير، كانوا في السجون، كانوا في الجبال. نزلوا أدخل سمومه في قلوبهم فأصبحوا الحين يكفرون يعني كبار العلماء يبدعونهم ويحذرون من كل الناس ولا يتكلمون مع الناس. هؤلاء يا أخي بن يحيى اهجرهم، انت لا تكلمهم، حذر منهم الناس، اجعلهم أعداءك. فهمت؟ هؤلاء هم الأعداء الحين وحذر منهم الناس. فمن تاب فإن الله يتوب عليه، من استطعت أن تنصحه وكذا تفعل. لكن هؤلاء المتشددون والصعب جدا يعني المعاملة معهم، يرون أنفسهم أنهم هم السلف وفي حياتهم ما درسوا عقيدة ولا فقه ولا سيرة ولا قواعد الفقه ولا أي شيء، لا يعرفون إلا ما قال صالح الحربي فقط. تليفون قالوا السلام عليكم شيخ صالح فلان وفلان كذا، مبتدع، ألحقوا به، مبتدع. ها كما قال الشيخ محسن العباد حفظه الله قال ولم يسلم أحد إلا من لم يسأل في التليفون. الحمد لله شكون يسلك مفالع الحربي يسلك منه غير لما سألوش، لما سألوش التليفون ما جبدوش أسمه يسلك. أي واحد جبدو أسمه دخل في القائمة. مبتدع احذرهم يا أخي وحذر منهم. بارك الله فيك، احذرهم وحذر منهم واسأل الله لهم الهداية. سلفي ما شاء الله تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا شيخ أنا نسمع وراء بن يحيى راح. سلفي ما شاء الله. يا حادي دون كتاب التوحيد دون الشابس دي ديسيناتور دي سكوتور كي دي كلون بو فير ان ديسان سور لو سول سابلو افيك ان باتون ا كونديسيون كو سوايي فاسي جوست ابري. Et en est-il de même pour un smiley sur pâteau qui s'efface automatiquement après fermeture de la session? Barakallahu fik, hayakallah. Wallahi ya salafi, mashallah, je ne connais pas ce hadith dont tu viens de parler. C'est la première fois que je l'entends. C'est la première fois. Je voudrais savoir quel est ce hadith, est-ce qu'il est sahih? Parce que c'est la première fois que j'entends parler d'un hadith pareil. Deuxièmement, tu as dit en ce qui concerne les smilés. Qu'est-ce que c'est le smilé? C'est quoi le smilé sur Facebook? C'est quoi un smilé? Cher, c'est ça? Un dessin? Ah, ça. Je vois. Une tête, allez. Wallahi, je ne sais pas. Moi, plusieurs fois, j'ai fait cela, mais je ne sais pas. Parce que ça me sera... Il y a des smilés qui ne sont pas des têtes, etc. Il y a des smilés, il y a la main, il y a les plantes, etc. Hada, Inch'Allah ta'ala, Hada, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas interdit. Quand c'est une fleur, quand c'est une main, quand c'est qu'Hada, il n'y a rien qui interdit cela. Il reste seulement le kalam en ce qui concerne les visages. Où il y a les visages, reste seulement le kalam. Donc je n'ai pas de réponse en ce qui concerne les visages. Mais en ce qui concerne les autres choses, qui ne sont pas des animaux, une voiture, la main, etc. Tout cela, Inch'Allah ta'ala, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que c'était interdit. Wallahu a'lam. Pour terminer, Abu Huraira tafaddal, la dernière question, Inch'Allah, Abu Huraira tafaddal. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si on se trouve chez un frère et que l'on décide de faire salat en groupe la nuit sans l'avoir programmé, c'est-à-dire on le fait sur le fait, c'est bid'a ou non? جزاك الله خيرا أبو هريرة. C'est ce que j'ai répondu. Quand tu te lèves sans le vouloir, tu n'es pas en accord avec quelqu'un, tu passes la nuit chez lui, tu te lèves comme ça, tu le trouves en train de faire la prière, tu te mets à sa gauche et tu fais la prière, c'est une sunna, comme a fait Abdullah ibn Abbas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec l'accord, si tu dis viens on fait un accord et on va faire la prière la nuit, Cheikh Al-Albani a dit c'est une bid'a. Wallahu ta'ala alam. Je m'arrête là, inshallah ta'ala. Ceux qui n'ont pas encore posé leurs questions, qu'ils me l'envoient, inshallah ta'ala, à l'adresse que vous connaissez. Et inshallah ta'ala, on se rencontre dimanche. Pour le DAS, on va commencer ce qui a rapport avec le SIEM, car on a seulement un mois devant nous. Et n'oubliez pas, avant de rentrer dimanche dans ma salle, on ne sait jamais regarder les messages dans le blog, on ne sait jamais peut-être qu'il se passe quelque chose ou là. Naam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.